Retro Nouveau. Salut tout le monde et bienvenue à ce 134e épisode de Rétro Nouveau. Ça revient les gars? Ouais! Yeah! Dans le sous-sol à Fred et à Schlag parce que Jeff est encore pogné dans le VR. Pas perdu dans le VR, nous autres, on n'a pas les moyens. Non, c'est ça. Ben, c'est la fin de l'été, là. C'est comme un peu la dernière fois. Là. Ouais, exact. C'est comme la fin de la... De comment donc? C'est la fin des vacances. Ouais, des épisodes non officiels. Ouais. Moi, j'ai comme dans ma tête que la nouvelle saison de Rétro Nouveau commence le 11 septembre prochain. Nouvelle formule! 135. Ouais. Mais on n'a pas de saison. Non. Mais non, on a décidé de ne pas faire ça des saisons. Ça devient mélangeant, puis on mélange. On mélange déjà assez le monde de même. Tu m'attends qu'on mette des hosties de saison. Ah ouais, non, ça n'a pas de sens, là. Saison 9, là, épisode 2. Hein? Ça marche pas, ça. Mais là, c'est qui parle? On est accompagné ben, de... Oui, en compagnie de Bruno Georget. Je vais vous parler ce soir de Red Faction Guerrilla Remastered. Ah, et, ouais, ça. Ouais, et je vais vous parler de Guacamelee 2. Great. Dominique Bourret, a.k.a. Papa Cassette, qui va parler de Messenger, qui était tant attendu. J'ai pu y jouer en primeur. On a reçu un code à Rétro Nouveau. Donc, j'ai bien, bien hâte de vous parler de ça. J'ai joué, man. Il y a longtemps que je n'ai pas joué de même là, en rafale sur une très longue distance. C'est bien trippant. Mais j'ai du bel or gris aussi à présent. Nice. Et évidemment, Fred Gémus, propriétaire du sous-sol et aussi chroniqueur de Resident Evil Guidoun sur Game Boy Color. Et aussi ce soir, on lâche un petit merci spécial à Fanny qui est avec nous, Fanny de la vie secrète des geekettes, un autre podcast geek au féminin, qui est avec nous, qui s'occupe juste de partir le show et de s'assurer qu'on pète pas le micro avec nos grosses voix de viril d'homme qui pète tout. Ouais, c'est ça, là. Ça en était trop. Okay. Merci Fanny, est-ce que tu as un petit quelque chose à dire avant de commencer? Non, bonjour les gars, puis ça fait plaisir de vous aider. Merci. Ah, merci. C'est merci un plaisir beaucoup de se faire aider. Fait que c'est ça, écoute, avant de commencer, tu parlais d'or gris. Ouais. Je sais pas si je fais que le pacing, moi, on se correcte. Mais je sais pas c'est quoi ça, ici, que tu voulais parler. Là. Ben oui, en fait, je voulais juste dire un petit merci spécial. Il y a deux fins de semaine, je suis allé à un barbecue, puis j'ai un ami, mon ami Carl, qui m'est arrivé, qui m'a dit « Hey, j'ai de l'or gris pour toi ». Fait que là, j'étais comme « Ah ouais. Que se passe-t-il si tu rendis qu'on est tellement les pimes de la grise qu'on a des, ah, ça, on a fun, des ça. Legs d'or gris ». Puis finalement, c'est ça, écoute... sur une job ou quelque part de même, il avait trouvé un Super Nintendo avec un paquet de cassettes puis une couple de jeux de NES puis de PlayStation. Puis il m'avait amené ça puis il voulait absolument me le donner. Puis là, j'étais bien content, évidemment. Malheureusement, la Super Nintendo fonctionnait pas puis c'est sûrement pour ça que ça dormait là, cette affaire-là. Mais c'est pas grave parce qu'il y avait plein de beaux jeux. Donc, je rajoute dans ma collection un Final Fantasy sur PlayStation, Anthology, je m'en rappelle toujours. Ouais, ouais. Ah, il y en a beaucoup. Ouais, ensuite, il y a un Earthworm Jim Super Nintendo, Uniracer, un jeu que je pensais que j'avais, mais que j'avais pas finalement, puis qui est assez C'est fucké, ça. J'ai jamais compris exactement. Ça, faudrait que je m'y remette. C'est le fun. Ouais, vrai, là. Ouais. Tu peux dominer Uniracer. C'est weird. Mais en tout cas, fait, bref, je voulais juste lancer un petit merci. Ils ont une chaîne, ben en fait, il y a une chaîne Twitch, mais aussi une page Facebook qui s'appelle le Pixel Family. Dans lequel ils font là-dessus notamment du pixel art avec des beads, mais mélangé avec de l'aquarelle et tout. Donc, c'est un peu c'est un peu différent de ce qu'on voit souvent. Donc, c'est vraiment cool. C'est des belles pièces quand même. C'est assez cool. Fait qu'allez jeter un coup d'œil à ça. Puis, merci l'ami. Toujours le fun d'avoir de l'or gris, même s'il est un peu jauni, parce que les Super Nintendo, ils jaunissent tout le temps. Ah, c'est pas grave. C'est écœurant. C'est-tu la cigarette, man? Ah, ça, c'est le plastique. C'est les badges de plastique. C'est le plastique, les amis. C'est une réaction avec l'air et le plastique. Là. C'est pas... Dans l'espace, elle serait grise, mais sur Terre, elle serait jaune. C'est que la Terre n'est pas digne du Super Nintendo. Exact. Yes. Puis là, les gars, sur les internets, cette semaine... Ben, on va voir cette semaine. On va commencer par cette semaine. C'est cette semaine. C'est notre ami Axel Stone. C'est ça son nom de famille? Yes! Ouais. The Streets of Rage. Puis maintenant, avec la barbe et puis Blaze, qui font un beau retour dans Blaise Streets Fielding. Of Rage. Blaze Fielding. Fielding. Elle est anglaise. Sors tes cassettes. Sors les cassettes. Streets of Rage. Streets of Rage 4 a été annoncé, Emmanuel. Mesdames et messieurs. Ouais. Et puis, on a tous chié dans nos jeans ce matin-là. Dieu merci, j'étais à la maison. Puis ce que j'ai remarqué d'abord, c'est qu'au niveau du graphisme, c'est fait par la même équipe que Dragon's Wonderboy et Dragon's Trap. Dans le fond, c'est très dessiné. C'est là, dessiné, puis c'est le même. On reconnaît le look même de Wonderboy dans Streets of Rage. Moi, t'avouer que sur le coup, j'étais comme j'étais un petit peu agacé, mais ouais. En même temps, j'ai comme réécouté. Ça fait tellement, puis les cutscenes sont malades, tu sais. Fait que, ouais. Je pense que ça va être. Axel avec la barbe, il est comme plus vieux, là. Ouais, j'adore son look de même. Moi, honnêtement, ce qui m'a personnellement agacé, c'est que je suis un gros, gros fan de Streets of Rage. D'ailleurs, j'ai toujours mon épisode spécial de Streets of Rage. Ouais, j'ai le chien. On a un pug dans la place qui se fait sentir. Comme, flat-moi! Puis, en fait, quand le trailer passe, c'est comme la grosse guitare électrique. Ouais. Je suis comme, tabarnak, ça prend du techno, là. Ouais, ça prend vraiment du bon beat, parce que moi, j'ai toutes les trames sonores ici en vinyle, puis c'est comme, ça sonne. Mais bon, après ça, tu sais, comme tu dis, avec du recul, je dis, écoute, ça va être sûrement le fun. Laissons la chance aux coureurs. Exact, c'est l'intention est à bonne place. C'est une bonne nouvelle, au final. Ben, parce qu'on a vu Double Dragon 4 qui est sorti, qui était comme fait comme les autres, mais moins vivant, tout ça, puis bon. Là, on s'en va ailleurs complètement. Il y a juste deux personnages. C'est ça. Comme tu dis, il n'y a pas de musique techno, il n'y a rien. On va voir. Mais tu sais, peut-être aussi, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas encore. T'sais, moi, je me suis... Peut-être qu'on peut swapper, genre visuel 16 bits et visuel... C'est leur jeté. Ça serait malade. Sinon, la dernière affaire là, que me dit, qui ne m'a pas bugué, mais que j'ai remarqué, c'est que je trouvais ça cool que Axel soit rendu comme vieux. Ouais. Là, quand Blaze est arrivé, j'étais comme... Il me semble que j'arrivais ça à voir comme une femme d'un certain âge, un peu à la Sarah Connor, tu sais, comme... Et puis dans ces années genre de à son crise d'être sexy ou whatever, tu sais, genre là pour nettoyer la vie. J'aurais aimé ça moi un peu, mais bon. Mais dans ce style de dessin là, on dirait que ça paraît jamais l'âge pour les femmes. Il a fallu qu'ils mettent des cernes. Mais des normal, si on est en 2018, assumez ça, on a le droit. Entre deux punch, elle check son téléphone si son enfant est correct, tu sais, c'est pas de même là. Elle ressemblait à Micheline Manteau, quelque chose comme ça. Il se bat, c'est incroyable. On va se partir des hashtags contre nous autres. Autre jeu de la même gang. C'est quoi ce monde-là? Ils sont en feu. Windjammers 2. Il semble que ça vend, Colin. Windjammers 2! Après combien de temps? Après le succès de celui qui est sorti sur la PS4. C'est ça. Hein. Ça, j'étais content. Mais ça, c'est qu'on le voit là, d'ailleurs. Ça, c'est juste comme... Ça, c'est l'original. C'est un remake. C'est un remaster. Ça, c'est le remaster sur PS4 qui est sorti. C'est ça. Puis là, c'est mais l'original, l'arcade de Neo Geo, ça date, ça. C'est 20 ans. C'est ça. Et là, c'est le 2, le vrai. Là, c'est la vraie suite. Ces gars-là, Dotemu, ils ont comme... Ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont la notoriété de pouvoir se permettre d'acheter ces licences-là, dans le sens que c'est des licences que, tu sais, les compagnies possèdent encore, mais ils préfèrent les garder que de les rescraper et de se faire de la dessus. Là, t'as comme du monde qui arrive, des fans, des vrais passionnés, un peu comme Sonic Mania et tout. Ouais. Tu sais, c'est des vrais fans qui arrivent qui sont comme, dans le fond... C'est à eux de l'avoir. C'est un peu comme George Lucas quand il a mené, il voulait justement laisser Star Wars. C'est plus lui Star Wars. C'est le monde qui l'ont. Puis c'est la même chose avec ça. Puis je trouve ça super cool. Puis moi, on n'a vu aucun gameplay, mais tout le monde a vu le stade olympique. Avec le toit en or. C'est ça. Je sais pas trop si mes taxes vont monter bientôt dans Hochelaga pour payer un toit en or. Mais les paniers, c'est correct. Le toit en or, on peut le passer. Mais c'est très cool, man, ce genre de ce revival, man. Le rétro est en vie, tu sais, et de belle façon, puis continue d'avoir des nouveaux jeux aussi, tu sais, tout ça, c'est tout beau, ça. Ça me rend très heureux. Vraiment. Ah, il y a 10 000 commentaires. C'est ça, il y a full de... Moi, je regarde les ça. Les commentaires sont restés collés en haut, on s'excuse, on n'a pas vu tout le monde. C'est rajouté à nous, mais bon, c'est cool. Bon. Une barre, ça pousse vite. Bah, c'est vrai que ça pousse vite. Non, mais aussi, moi, c'était pas dans le... Ah, j'espère que tu vas ce que je vais penser, tu vas parler. Allez voir les 48 minutes de Cyberpunk 2077. Je t'ai hacké pour que t'en parles. 48 minutes de gameplay. Sérieusement, ce jeu-là. Pour vrai, il va se passer quoi? C'est pas un autre first-person shooter, là. C'est vraiment. Il y a quoi de spécial? Je pense que toute l'année 2019 en jeu vidéo est sur le Suicide. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme. Tu regardes ça, puis en plus, parce que ça a l'air jouable, ça a l'air vrai, ça peut être quelque chose qui vend des fausses promesses. Les gars, ils avaient dit qu'ils travaillaient vraiment. Là, ils ont annoncé que le jeu était jouable au complet en ce moment. OK. Ça veut dire qu'il doit être crissement broken, mais faisable. Ouais. Mais il avait dit aussi qu'il avait vraiment polishé une démo, tu sais, pour... Parce qu'évidemment, quand t'as une démo comme ça, à la limite, si tu repousses le jeu, c'est pas comme Red Dead qu'on on vient de voir du gameplay il y a un mois et demi, tu sais. Là, on parle vraiment de, tu sais, OK, là, le jeu est là, il existe, c'est ça que ça va être, là, il y a personne qui va, tu sais... Exact. Il y a personne qui va en douter, fait que, tu sais, je pense que... Je sais pas s'ils vont leur pousser, je sais pas trop, parce que honnêtement, ça a l'air giganorme, là, ça a l'air immense. Ben, ils n'ont pas donné de date encore. Non. Il est toujours TBD. Et après, moi, ils vont manquer Noël. Ouais, non, mais ça, c'est pas mal. Je sais pas, mais ça a l'air gros. Noël, l'année prochaine. Soit le scope. En même temps, c'est du rêve aussi, ouais. On s'entend. Tu quand il va dans les rues, là, ceux qui n'ont pas vu la démo, dans le fond, c'est un jeu qui se passe en première personne. C'est un jeu de rôle basé sur le pen and paper de. Le cyberpunk et tout. Ouais. Puis, t'sais, c'est vraiment comme un first person shooter, mais t'as aussi une portion où est-ce que tu sais, c'est un monde ouvert. Ben, c'est à quel RPG, point ouvert, là, c'est ça. À quel point ouvert, on sait pas, mais t'as des séquences de conduite, puis là, tu te rends compte que, ouais, ok, là, t'es un peu plus dans des tunnels. Char, là. Ça, en plus. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est. La char, conduite là, me donne des érections. Ah, ouais. Mais aussi, le monde, juste les, tous les personnages, l'esthétique de ce jeu-là, a juste aucun sens, là. C'est vraiment. Tu sais, si tu tripes sur Blade Runner, toutes ces choses-là aussi. C'est comme, enfin, il y a un jeu qui représente cette espèce de sci-fi hyper stylisé, tu sais, qui est pas représenté dans, bizarrement dans aucun autre jeu présentement. Fait que, non, c'est vraiment, ça a pas de calice. Alors, moi, je suis hype, là, écoute. J'étais vraiment hype, mais comme je dis, à partir de maintenant, c'est une question de, est-ce qu'il s'en va livrer la marchandise, puis combien il va y avoir de viande sur l'os, parce que c'est comme... Si moi, je suis pas certain parce que ça. C'est ça, je trouve que le démo, il était honnête. Ça avait l'air jouable. Ça avait l'air de quelque chose de réaliste pour les consoles qu'on a présentement. L'industrie est bonne pour faire une démo. Non, mais tu sais, je veux dire. Ouais, mais je veux dire, c'est pas trop poussé non plus. Non, ça a pas l'air. Tu vois une démo, puis là, tu sais, comme même la démo de Last of Us 2 qu'ils ont montré à la conférence de Sony. Pour moi, ça a l'air fake, là. Tu sais, c'est scripté, puis tout. Puis tu sais, c'est les angles de caméra, puis tout. Je suis comme. Pas sûr que c'est exactement ça. Non, ça a l'air du vrai jeu. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que toutes les options qui sont comme mentionnées sont là? On sait pas, mais tu sais, est-ce que ça a autant d'impact que ça? T'sais, en jeu vidéo, ça fait longtemps qu'on parle beaucoup de ah, ben là, tu prends une décision, puis genre, ça a des impacts. Ouais, ça a des impacts. Butterfly effect. C'est ça, ça arrive souvent dans les jeux, ça, mais je pense que ce qui arrive, c'est que pour le joueur, c'est pas tant perceptible, tu sais, de. C'est pas comme, genre, t'arrives à un moment dans le jeu pis tu sens « Ah, ça arrive parce que j'ai fait ça plus tôt ». C'est juste comme « Non, c'est l'histoire pis c'est ça qui se passe pis je réagis à ce qui se passe ». Tu sais, des fois, c'est un peu le truc qui est dur à cerner. Comment t'as vraiment l'impression de faire la montre? Tu sais, mais les branching paths dans un gros jeu de même aussi, c'est dangereux. Là. Ça prend parce un qu'à la fin, ton arbre, ce type de choix, il est comme... C'est ça. Énorme, ça marche. Donc, plus on appelle ça fonctionner par petite saucisse, c'est que t'as comme un point qui ramène tout, là, c'est ça s'ouvre, là ça revient, ça se referme à un point qui ramène tout. Fait que c'est comme un chapelet de saucisse. C'est ça. J'ai à rappeler aux gens qui connaissent pas tant que ça le show. Que Fred est designer de jeux dans la vie. Fait que des fois, il dit des affaires comme ça, comme s'il avait la vérité absolue. Mais c'est vraiment ça, c'est parce qu'il fait ça de sa vie. Fait que, écoute, il sait c'est quoi. On avait fait des mauvais jeux. Non, c'est pas vrai. Non, ils sont tous sur la tablette. Ah, maudit, c'est pas dans le cadre. Ouais, est-ce que c'est tout est calculé, mon gars. Non. Ça n'est que du succès, que des affaires. Hey! On part de ça, ce show-là. Mais ouais, on part ça, c'est en gros. On est prêt. Voulez-vous mettre un chronomètre? Ça fait pas sens de là. Non, c'est correct. On est dans le show flou. Quand nos bières sont finies. Ouais. Hey, d'ailleurs, vous avez ce soir le Drunko Vision. Avec nous autres, c'était écœurant. On a découvert que quand la caméra est à peu près 2 pieds plus loin que d'habitude, c'est flou. C'est ça, elle arrive pas à focusser. Là. Faudrait. Ah, ça, là, c'est bon, c'est clean. Beau, ça. T'as pas une si belle peau. Non, je sais. La maquilleuse, la maquilleuse, elle. J'ai pas de maquillage. Elle a pogné à gastro. Là, ah, les mains beaux, je la garde. C'est plus comme à Monsieur Net. On avait une maquilleuse aussi à nous. Ben, tu vois, faut qu'on fasse notre page Patreon. Puis je pense qu'on devrait le mettre. Mais le maquillage, va falloir le faire. Je pense qu'on est rendu là. Aussi, s'il y en a qui écoutent puis qu'ils ont une plug au niveau guenille. Vestimentaire, on a besoin de vestons pour rétro nouveau. On a besoin de 5 vestons, idéalement de couleurs différentes, comme les bleus poudres ou quelque chose. Tu sais, comme j'appelle à vous, on a besoin de gear pour le prochain show, pour la nouvelle saison. Fait que voilà. Hey, dit. Je vais parler de The Messenger. Ah. Un jeu, mes amis, qui se veut un hommage à Ninja Gaiden. Du moins, c'est comme ça que tout le monde en a entendu parler. Ouais. Moi, j'ai joué aux démos de ça l'année dernière au Mega, l'événement là, ici à Montréal. Les gars de Sabotage Studio, c'est fait à Québec, étaient sur place et puis j'ai joué à ça. Puis, donc, dans le fond, je vais tout de suite rentrer dans le vif de la chose pour expliquer toute la patente. Oui, c'est très Ninja Gaiden au niveau du sprite, c'est du look. C'est un ninja bleu, très à la Ryu Hayabusa, qui court, qui slash l'épée. Et puis, ça, c'est Ninja Gaiden. Et puis, t'as des upgrades que tu pognes dans le jeu aussi, comme un grappin. Okay. Puis, ce grappin-là, il va t'aider à comme... il va comme accélérer le jeu, tu sais. Okay. Tu vas pogner sur des plateformes, tu vas pogner sur des corniches, tu vas pogner des ennemis, tu vas comme leur rentrer dedans, le slasher, continuer ton chemin. Nice. Fait que ce grappin-là est un outil très performant pour tous gens qui veulent speedrunner ce jeu-là. De vouloir avoir des grappins dans tous les jeux, de toute façon. Moi, ouais. C'est tout le temps le fun dans un jeu, grappin. Ben, trois affaires. C'est le grappin. Cauchemar des level designers. grappin, dash et double jump. Ah oui. Mais il n'y a pas de dash là-dedans. Parce que le grappin fait la job du dash. T'sais. Et puis le double jump, ça c'est la mécanique unique à The Messenger. Ouais. C'est que quand tu donnes un coup d'épée sur de quoi, t'as comme la chance de refaire un autre jump. Fait que souvent, il te force à comme faire sauter dans le vide, mais il y a genre trois lanternes d'alignées dans le bas, mettons, avec un trou en dessous. Puis il faut que tu slashes la première lanterne, jump, slash l'autre, jump. Faut-tu que tu slash puis jump? Ouais, slash, ouais, ça deux boutons à chaque fois que tu slashes de quoi, ça te. T'as un jump en réserve dans ça. Ça peut être un nuage. Ouais, t'as comme un petit halo blanc en dessous de toi, là, dans le fond. Avant que t'ailles trop loin, tu peux-tu slasher dans 8 directions ou c'est juste. Tout le temps, juste en ligne droite. Juste en Ninja Gaiden. Puis, ça, c'est Ninja Gaiden, en effet. Ouais. Et puis, il n'y a pas de magie dans ce jeu-là. T'as des shurikens, par contre. T'en accumules avec le temps. Là, au début, t'en as juste 3. À la fin, t'en as 5. Donc, c'est ça. Et puis, écoute, j'ai pas parlé de l'histoire, mais. C'est un point très, très, très important dans ce jeu-là. Moi, comprends-tu, j'attendais Ninja Gaiden, genre le pinacle Gaiden. Ah ouais. Là, j'ai commencé à jouer à ça. Puis là, t'as le choix de le mettre en français, anglais, espagnol, nanana, et québécois. Hein? Ben, là, je l'ai mis en québécois. Ouais. Je me suis dit que ça va être drôle, tu sais. Non, je me suis même pas dit rien. J'ai commencé à jouer. Là, ça a vraiment un langage pas ordurier, là. Oh, un langage très populaire là, de joual. Là. Très, très, très populaire. Genre, le ninja, il est au bord de l'arbre et il dit « C'est donc bien plate, site, ici, je veux m'en aller. » Il arrivera jamais, ce prophète-là. Puis, c'est vraiment écrit c'est comme ça. Cool. Là, c'est cool, mais moi, au début, ça l'a complètement annihilé le mystique du Gaiden que c'est. Comprends-tu? Moi, je m'attendais à ça, là. C'est très sérieux, Ninja Gaiden, tu sais, c'est... Ouais, et puis je lance, ouais. C'est très... Zelda Game Boy qui est en joueur, ça me pète un peu la magie de Zelda aussi. Mais j'ai vu, tu sais, la vidéo des créateurs qui jouent à The Messenger, les créateurs de Ninja Gaiden qui jouent, ils parlent de ça, ils disent, tu sais, c'est son propre... Il y a de l'humour. Il y a de l'humour, puis c'est son c'est propre monde, monde de quand Québec, même, là. C'est pas vrai. Non, mais... Ouais, mais non, mais c'est... Même, en tout cas... Au début, j'haïssais ça pour mourir. Okay. Puis après, j'étais comme, yark, c'est donc ben pas le fun. Je suis déçu, tu sais, je veux pas lire ces cochonneries-là. Puis finalement, la twist est que, bon, dans le jeu, t'es beaucoup en rapport avec un vendeur dans une shop. Le gars de la shop, là, t'es beaucoup, beaucoup en rapport avec lui. Okay. Puis à travers chacun des niveaux que tu fais un après l'autre, t'as des save points, puis certains de ces save points-là sont un portail vers la shop. Fait qu'en tout temps, tu peux rentrer dans ces portails-là, puis aller acheter des upgrades, ouais. Ou tu peux dire aussi au vendeur, conte-moi une histoire. Mais là, il te raconte une histoire. Mais pas rapport, là, juste comme une histoire. Il te raconte ça, puis ça, c'est long, là. T'allies, tu pèses, puis tout. Puis c'est des histoires deep, avec qui te racontent la vie, là, tu sais. Okay. C'est super intéressant, tu sais. Mais des fois aussi, ils te coupent ça comme niaiseux. Non, ben, quasiment, tu sais. Tu sais, c'est comme, voyons, qu'est-ce que tu pensais? Ben, je sais pas. Ben, c'est ça, Chris. Tu sais, c'est très comme si sacres? On se parle. Non, il n'y a pas de sac, par exemple. Ah. Mais là, ben, c'est... tant mieux qu'il n'y en ait pas. C'est quoi l'histoire? Parce que, tu sais, il y a justement un changement de sprite, tout ça. Ben, c'est ça. Je veux pas spoiler rien parce que c'est très spoilable. Dans le fond, ce jeu-là, le messenger, le messager, t'es dans un clan. Tu travailles les postes? Non, c'est pas ça. C'est pas comme le film, le facteur. Post Canada. Dans le fond, là. Comme la postière! Tout le monde est mort. Et puis, t'as juste un village de ninjas, puis comme t'essaies de survivre, tout le monde s'entraîne, ninja. Et puis, t'as un prophète qui est supposé arriver un moment donné, okay, avant que le démon là, prenne la place, tu sais. Puis là, quand le jeu commence, c'est comme, fuck, le prophète est pas arrivé, puis le démon est en train de tout buter. Mais là, wow, pendant que tu dis que tu vas affronter le démon, le prophète arrive. Okay. Puis là, comme le démon, il crisse son camp, tout ça. Là, le prophète dit, dude, je suis arrivé trop tard, tu sais, voilà le parchemin, c'est toi le messager maintenant, go, go, go! Là, OK, je voulais m'en aller de toute façon, fait, là, tu pars. Mais c'est ça, puis là, tout de suite, t'as un lien avec le gars de la shop qui est très important, il est en robe bleue, okay, tu sais. Et puis... le parti québécois! non, vraiment, je... Sérieusement? Puis là, tu fais tous ces niveaux-là, un par un après l'autre, en pognant tes upgrades que j'ai nommés tantôt. Et puis là, t'arrives à la fin de tout ça, puis là, ça semble être la fin, tu sais. Puis là, comme... Chris, je sais pas, je veux pas spoiler. Non, mais arrête là, t'en as déjà assez dit, dans le fond, là. Mais il me semble que la démo, c'est ça, fait. En tout cas, quand t'as fini de faire les niveaux un après l'autre, ça je peux le dire, là, le jeu, il se prolonge en tabarnak. OK. Là. Ouais. Et la transition de genre faire les niveaux un après l'autre à l'autre portion, qui, on va se le dire, est un Metroidvania. Ouais, c'est ça. Je pense que tu peux le dire, on peut le dire, hein. C'est très stage un après l'autre, puis après ça, ça tombe un méga gros Metroidvania que tu reviens faire tous les niveaux. Okay. Et ils en ont ajouté genre 5-6 de plus. OK. Que t'explores tout pour aller chercher plein d'affaires qui te débloquent d'autres chemins, tout ça. Puis tout au long, t'es accompagné par ces gens de robe bleue-là qui disent des jokes, qui, tu sais, qui te guident. Fait que, c'est ça. Tu parles entre un newfie et un cheval. C'est quasiment ça. Des fois, t'es comme, tu t'attendais à une grande histoire, puis là, finalement, il t'envoie quasiment chier. J'ai pas d'histoire, là, tu sais. Mais là, tout le monde a vu les changements de sprite, là, où ça devient comme, tu sais, NES à Super Famicom. Toi, le messager, t'as le pouvoir de passer, d'aller dans le futur. OK. Fait que, dans le fond, quand t'es en 8 bits, t'es dans le présent. Puis quand t'es en 16 bits, t'es dans le futur. OK. Puis quand t'es dans la portion Metroidvania, t'as des portails un peu partout, ben juste des lignes que tu traverses, puis la minute que tu traverses la ligne, tu tombes dans l'eau. Dans le futur. Ou dans le passé, dépendamment dans quel temps que t'es. OK. Puis il y a des fois que c'est important de switcher de lieu parce que, tu sais, il faut que t'ailles chercher l'autre patente. Ouais. Ou un bel exemple aussi, il y a des petites mouches, là, des petits moustiques qui volent. Puis eux autres sont dans le présent. Quand t'es slash, ils ouvrent un halo autour d'eux autres. Puis ils projettent le futur. Fait que là, ils projettent des plateformes qui sont là. Fait qu'il faut que t'es suivre. Okay. Man, le gameplay de ce jeu-là, là, il est tellement ça coche. Là, parce que non seulement tout, c'est le génie, man, de mettre les portails aux bonnes places pour, tu sais, comme avancer dans le jeu, que ça soit tout le temps super dynamique. Le level design. Puis c'est comme d'un coup, là, tu sais. Mettons, je traverse un portail, l'écran, il fait chou, de même en largeur. C'est magnifique, là. Oui. Le graphisme est incroyable. Puis quand je parlais du grappin tantôt aussi, le jeu, il est fait que si tu arrives dans une section, tu grappins là, tu fais tac, tac, tac, tac, tu passes à l'autre section. Mm-hmm. Tu vas pas foncer dans un mur qui va Chaque niveau, c'est hyper fluide si tu slashes ou tu grappins en bonne place. Tu peux, à force de jouer à ce jeu-là, tu peux avoir un momentum parfait qui fait que tu traverses le jeu super rapide. Ça va se speedrunner, de belle façon. De belle vitesse. T'avais pas, quand t'es dans le futur, me semble que t'as le grappin encore? Ouais, ben, oui, le grappin, ouais, tu le prends quand même tôt au début. Tu peux aussi planer avec, tu fais comme le pas la touche. Ouais. Tu fais le pas la touche, mais aussi des fois du vent qui vole vers le haut. Fait que là, t'es font monter comme ça. Et puis, tu ramasses des bottes qui te permettent de courir sur l'eau ou sur la lave. Quoi d'autre, man? Tu ramasses plein de gogos. Puis dans le Metroidvania, il faut que tu pognes 7 notes de musique pour faire une mélodie pour permettre de te rendre jusqu'à la fin du jeu. Donc ça, c'est très cool. Il y a des sauts que tu ramasses. Il y en a 45 à ramasser, je pense, qui sont cachés partout dans tous les mondes. Okay. Mmh. J'ai une seule chose négative à dire à propos de ce jeu-là, c'est que le payoff de ramasser les 45 sauts, puis j'ai travaillé fort en tabarnak pour toutes les ramasser. C'est pas... je m'attendais à de quoi. Mais c'est correct, parce que j'avais fini le jeu avant, et puis... Un rabais postal. Non, mais tu sais, rendu là, quand t'es rendu à faire ça, c'est... numéro de plus. Ce que ça donne, ça vaut même plus la peine. Fait que c'est ça, mais c'est pas grave, là. J'avais fini le jeu, c'est fait. Il y a une section schmop à la fin aussi, sur... que tu fais d'une certaine façon. Mais... Spoiler! Non, mais ben, sinon, c'est un jeu qui est difficile. C'est pas difficile parce que c'est bien fait. Il y a un boss que j'ai vraiment rushé, puis c'est à la fin de la section que tu fais les niveaux un par un. Là. Celui-là, j'ai rushé, mais pour le reste, là, j'ai jamais rushé dans le jeu. Il y a aussi Kevin qui demande est-ce qu'il y a une carte pour qu'on s'y retrouve? Oui. Dans le Metroidvania, t'as une carte. Puis, c'est un autre spoiler, en tout cas, que je dirais pas, mais c'est très drôle. Et puis, la carte est super bien faite, parce que là, tu vois chacun des mondes, puis tu peux rentrer dedans chacun, puis voir combien t'as ramassé de sauts. Puis, ils te mettent une petite ligne turquoise partout dans la carte, là où est-ce que tu peux passer. Puis, il n'y a pas de genre de murs, de faux murs qui sont pas sur la carte. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Tu sais, ceux-là qui fait que quand t'en trouves un, tu te dis... Tabarnak, va falloir que je rate toutes les murs de tout le jeu au complet pour voir si je rate quelque chose parce que je veux finir le jeu à 100%. Ben, il n'y a pas ça. Ils te le disent. Partout où ça passe, puis ça passe pas ailleurs. À moins que j'en aie raté, mais je pense pas. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça parfait. Moi, c'est de même que j'aime ça. Parce que tu vas avoir un sentiment de le finir un jour sans passer ta vie là-dessus, tu sais. Puis, au niveau du scénario, encore une fois, suite en début, dans le magasin, il y a une armoire. On va en parler, l'armoire, là. Puis tu parles au vendeur, bon, upgrade, telle affaire, OK, merci, bonjour. Là, il y a une armoire, tu vas devant, tu veux l'ouvrir, tu dis non, hey, touche pas à cette armoire-là. Tu pèses encore. Il dit de pas toucher à cette armoire-là. Là, tu sais encore, Christ, t'es sourd, Christy. Là, ça build up de même. Là, il dit, si tu touches encore cette armoire-là, je vais te raconter une longue histoire. Là, tu y touches encore. Il dit, une longue histoire, puis tu pourras pas peser sur B pour aller plus vite. Là, tu vas toucher les couteaux complets. Là, tu pèses encore. Je le dis. Là, tu sais, comme, il y a un build up de même. Moi, bien sûr, je me suis rendu jusqu'au bout, puis là, man, je me suis tapé la grosse histoire, qui est tout de même intéressante. Toutes les histoires sont intéressantes. Il y en a une par niveau. Lisez-les toutes, parce que tu as le choix entre upgrader, je parle en québécois, là, upgrader, jaser. Et puis, quitter, dans le fond. Okay. Ouais, quand l'option jaser est disponible, jaser avec le gars parce que le scénario, c'est comme écrit en québécois, pas mal. C'est pas sauvegarder partie, c'est sauvegarder la game. C'est save game. Puis à un moment donné, t'as un dragon qui devient ton ami, man, pis il a un pire langage, là. Hey, buddy, ça te tombe-tu? T'sais, après ce moment, t'es eu de. Asti, de dragon, il parle mal, man. Mais comme je disais, au début, j'étais choqué que ce soit en québécois. Puis à la fin, j'étais comme, man, c'est parfait. Ben oui. Ça marche, c'est bon. Puis l'armoire, là, gossez-le. Puis même quand ça... Man, en tout cas, je vais le raconter, là. Fait que là, il dit à la fin... Fait que, OK, là, je t'ai raconté toute l'histoire. Fait que lâche mon armoire, là. Tu fais encore. Écoute, la loupe recommence, là. Fait que tu peux lâcher l'armoire. Là, tu pèses dessus. Là, il recommence le premier texte du loup. Là, tu repèses encore. Tu dis, ah ben là, tu m'as eu. Alors, recommence. Je vois que t'es pas le genre de gars qui recommence. Tu sais, comme. Même quand. T'aurais arrêté normalement. Ben mais tu sais, quand t'insistes. Il te donne des candies. Le scénario se rend plus loin encore. C'est merveilleux. Moi, ce jeu-là a gagné beaucoup de points grâce à ça. Et puis, c'est une histoire intéressante aussi, celle du messager, parce que t'es pas le seul messager qu'il y a eu dans l'histoire, tu sais. Puis, tout ça devient tellement grand, là, vers la fin, là. C'est vraiment bien. Écoute. C'est bien en combien de chiffres, maintenant? Ah, écoute, je veux juste finir en disant que le Ninja Gaiden est correct pour ça, mais c'est un jeu. C'est un jeu en tant que tel. Ninja Gaiden, parce que c'est un ninja, là. Mais sinon, c'est très bien, c'est une inspiration, mais c'est totalement Symphony of the Night, Ninja Gaiden. Ouais. C'est merveilleux. Donc, moi, je donne un parfait 10 sur 10 à ce jeu-là. Parce que, à part le payoff de ramasser tous les hostitos, sérieux, j'ai pas trouvé aucune faille. Je me suis jamais tanné de jouer à ça. Je me suis jamais tanné d'y retourner. Là, je l'ai fait au complet de long en large. Mais j'ai mis 14 heures. Ah oui. 14 heures et 3 minutes précisément pour tout faire. Fait que là, si je fallait que je le refasse, ça irait mieux parce que j'aurais comme exactement plus quoi faire tout ça. Mais sérieux, ça vaut la peine. Puis juste de recommencer à jouer, puis juste te promener à travers les niveaux. Hein? Ouais, le grappin, c'est man, fun, là, c'est comme clac. Le gameplay, man, il est sa grosse coche, il est parfait. Là. Ces gens-là, ils ont travaillé fort. Fait que, non, c'est tant qu'à moi, genre, Game of the Year pour ce style de jeu-là. Là. Tu sais, j'ai pas joué à fucking Triple E, je sais pas quoi, là. Dead Cells! Mais, ben là, je commence Dead Cells. Mais pour des jeux indie, sérieux, là, je pense qu'il va aller loin. Il est très, très, très solide. Donnez-lui sa chance, puis lisez tout. Vous allez pas le regretter. C'est pas lourd, puis c'est bon, puis ça... Man, à la fin, j'ai envie de pleurer. Parce que la dernière histoire qu'il te raconte, là, il raconte quelque chose là-dedans, c'est vraiment, vraiment hot. Là. Sérieux, j'en avais les larmes aux yeux. Fait que c'est très hot. Puis je veux saluer au passage Dimitrios Lianopoulos, avec qui j'ai un petit peu... C'est un speedrunner de la gang de No Reset. Je pense que c'est lui qui chapeaute ce projet-là. Avec qui j'ai parlé un petit peu. Ben, je savais qu'il jouait et que lui connaît les gars de Sabotage. Puis il m'en aura parlé un peu du jeu et tout ça. Fait que j'ai posé une question. Quelques questions. Puis aussi, à un moment donné, j'étais coincé dans l'eau. J'ai écrit à Sabotage. J'ai écrit « C'est des moins ». Fait qu'ils m'ont juste expliqué qu'il me manquait un item et tout. Fait que voilà. Donc, je salue Dimitrios. Je salue les gars de Sabotage. J'avais fait un excellent travail. Et puis, quand vous êtes dans le bout de Metroidvania, faites ce que le prophète dit. Partez pas en fou n'importe comment. Faites les étapes du prophète, sinon vous allez niaiser. Parlant de le prophète, il y a Alex Tremblay qui dit « Quand même des bons guns, Papa Gazette. » Hey, ouais, ouais, man! Les guns naturels! Suns out, guns out! Il est né de même! Yes! Il est né de même. C'est cool! C'est la forge juste de mon arrière-grand-père! Ben oui! Je rencontrerai ça tantôt. Quand je serai sous. Dans la minute... D'ailleurs... Je peux y aller si vous voulez. Bruno, parle-nous ça. Je pense que t'es le prochain à passer au BAT. Je suis le prochain à passer au BAT, oui, avec Red Faction! Je voulais juste être sûr que c'était pas Guacamelee. Mais ouais, Red Faction, Guerrilla Remastered. En fait, c'est ça, Red Faction, c'est un jeu. Ben, il y a eu quand même plusieurs jeux dans la série Red Faction où t'incarnes un gars qui est dans une résistance et qui a une massue. C'est ton principal outil. Pis c'est ça, ce jeu-là, Guerrilla, il était sorti en 2009. Pis sérieusement, quand c'était sorti en 2009, ça avait comme révolutionner les environnements destructibles. C'était, il n'y avait rien du genre qui se faisait. Moi, je m'en souviens, c'était pas mal impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est ça, mais au lieu de parler de l'ancien, je vais parler du nouveau, puis je vais aussi vous parler de qu'est-ce que c'est exactement si vous n'avez jamais joué. Là-dedans, t'incarnes Alec Mason. C'est un dude qui veut éliminer l'EDF. L'EDF, c'est le Earth Defense Force, qui est dans le fond, c'est sur la planète Mars. C'est Super EDF. Super EDF. C'est sur la planète Mars que ça se passe, puis toi, t'es avec la guérilla, puis tu veux juste complètement détruire ces gens-là, parce que entre autres, ben, ils ont tué un membre de ta famille, et bref, ça va pas très bien. Toi, tu t'en allais juste sur Mars pour avoir un peu de job. En vacances sur Mars. Ouais, c'est ça. Retour sur Mars, Total Recall. Fait que c'est ça, bref, le ce que c'est exactement le Faction, c'est comme Grand Theft Auto sur Mars avec de la destruction massive. Fait qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas prendre des missions, t'as une grosse carte, tu vas prendre des missions pour aller grossir ton emprise sur certains territoires qui sont pris par l'EDF. Fait que tu vas rentrer dans un bolide, tu vas avancer vers ton objectif, puis tu vas commencer à détruire des bâtisses qui appartiennent à l'ennemi. Fait que tu vas les détruire soit avec ta massue, avec un lance-roquette, avec des explosifs que tu colles sur la structure. Il y a même un moment donné un tir qui fait fondre certaines structures. Évidemment, ces ennemis-là vont pas faire comme rien quand ils vont s'apercevoir que tu ils sont marde. Des ennemis. T'es en train de casser la place! Ouais, c'est ça, t'es en train de péter tout, là, ça coûte cher, hey, ça. Appelle la police! Christine, nous autres, la police! Fait qu'eux autres vont venir quand ils vont voir que tu fais de la merde. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que tu vas avoir également des membres de la guérilla qui vont te suivre puis qui vont t'aider. Ce qui est le fun, c'est que dans la version de 2009, cette intelligence artificielle-là qui était supposée t'aider était pas incroyable. Elle était pas tout à fait sur la coche. Fait qu'il arrivait, il était à côté de toi puis il était avec le gun de même. Puis il se faisait shooter dans la face puis il visait vers le désert de Mars. Fait que ça servait absolument à rien. Ben, il a pas pollué le désert. Ouais, c'est ça. Puis moi, en fait, je m'en servais dans la version de 2009 pour qu'eux autres soient comme des bêtes, des appâts, pour que, dans le fond, l'ennemi va tirer sur ce bonhomme-là. Moi, je me tiens juste à côté, puis j'ai mitraille pendant ce temps-là. Mais c'est bon de savoir, j'ai mitraille pendant ce temps-là, c'est bon de savoir que ta mitraillette, toutes tes armes que tu as là-dedans, ils ont arrangé le gameplay de façon à ce que la massue, ça reste ton outil le plus redoutable. Fait que tu peux dasher comme un mongol, juste frapper sur un ennemi avec un coup, il crève. Il y a certains ennemis qui crèvent pas avec un coup, mais en tout cas... C'est vraiment le prolétaire en force. Avec son, ouais. Son marteau, le Maverick Harry. Ouais, ça a l'air Mais c'est ça, tu sais, toute cette destruction-là est vraiment le fun parce que tu peux justement détruire un gros building, des tours, n'importe quoi, avec des véhicules, mais aussi à main nue. Il y a des véhicules, il y a un jetpack, il y a un mech là-dedans que tu rentres dans un gros robot puis tu fais le ménage. C'est vraiment cool. C'est un peu, tu sais, l'histoire est quand même correcte, c'est pas incroyable. Puis le jeu est répétitif, mais le gameplay est tellement fun que tu tentes pas de jouer à ça, sérieusement. Moi, j'étais bien content d'y revenir à ce jeu-là parce que tu rentres là-dedans pis c'est juste comme un no-brainer. Il y a un peu de ces jeux-là où on joue puis on sait que ça sera pas si difficile que ça. Puis les objectifs seront pas tough à comprendre, mais c'est juste le fun de jouer à ça parce que tu te poses pas de questions. Puis tu détruis tout. Ils ont inclus le multijoueur quand même. Ça me surprend. Parce qu'il y avait un multijoueur dans la version 2009 qui était très, très, très, très bon. C'était un multijoueur en ligne qui était très fiable, où justement, il y avait destruction, contrôle de territoire, tout ça. Là, ils l'ont ramené dans la nouvelle version. J'espérais un split screen, mais malheureusement, il n'est pas là. Donc ça, c'est dommage, mais c'est une réalité de plus en plus marquante. On dirait qu'il n'y a plus de jeux avec du split screen. C'est comme si ça existe plus, ça coûte cher. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ce jeu-là, c'est juste fucking addictif, sérieusement. Si vous n'avez pas un si grand budget présentement pour acheter un jeu, puis que vous voulez juste un jeu dans lequel vous ne poserez pas de questions, vous allez juste tout détruire parce que vous avez eu une journée épouvantable à job, c'est le meilleur jeu pour ça. C'est vraiment le fun. C'est aussi le fun en 2009 que maintenant, ce qui prouve quelque chose, malgré que visuellement, c'est pas le jeu le plus attirant, ouais, parce c'est que ça, t'sais, ils l'ont pas, c'est Mars, c'est brun, orangé. Ils l'ont-tu boosté visuellement? Ils l'ont boosté visuellement. La résolution, ils ont fait vraiment le visuel. Les textures sont mieux, mais ils n'ont pas refait le visuel. Okay. Tu le vois que c'est un vieux jeu qui a été... Justement, il a été rehaussé, ils ont boosté les specs. Mais il y a peut-être les personnages, comme ton personnage à toi avec Mason, est beaucoup mieux. Quand tu arrives dans les cutscenes, c'est les cutscenes de 2009, ça paraît au bout. Ouais, ça, les c'est voix ça sont les mêmes. La musique a été retravaillée, ça sonne mieux. Les sons sonnent mieux aussi, le son a un son surround maintenant, tout ça. Fait que ça fonctionne mieux. J'ai remarqué des fois quelques petits ralentissements quand il y avait un peu trop d'action à l'écran, mais rien de grave. J'ai joué sur PS4. Puis c'est super la fun. Je m'attends pas, j'ai pas fini, je joue encore. C'est vraiment cool. Fait que je donne un 8 sur 10. Nice. Puis je suis pas mal certain que ce jeu-là, parce que tu sais, c'est ça, les remasters de même, tu sais. Ça tombe dans l'oubli rapidement. Ouais. Les gens, ils jouent surtout à un gros jeu AAA. Comme ça qui n'était pas nécessairement le jeu le plus wild. Exact. Mais ça, c'est THQ Nordic qui sont en train de reprendre toutes les licences. Puis THQ ont eu de la misère les dernières années. Ben, ils n'existent plus. C'est ça. Il a été racheté. Fait que c'est ça. Fait qu'ils sont en train de tout pogner ces licences-là. Puis de toutes les ressortir, les louper. Puis sortir du vieux stock. Mais je suis bien content qu'ils fassent ça. Parce que ça, là, c'est un des bijoux dans la gang. Que certaines personnes ne connaissent pas nécessairement. Fait que c'est ça. Fait que même si vous voulez aller voir des critiques de 2009 de Guerrilla, vous allez voir que ça s'applique. Ouais, c'était tout le monde était juste comme aïe, comment ils ont fait ça, tous ces trucs destructibles là. Puis même maintenant, je connais pas tant de jeux, je sais pas si toi Fred t'as joué à un jeu dans le genre, mais les jeux où tu peux tout détruire puis que c'est le fun. Il y avait Rainbow Six, mais c'était plus contraint. Ouais, exact. C'était plus c'était pas à main nue, admettons là. Tu sais, le dernier jeu à main nue où je détruisais du stock, c'était Hulk Ultimate Destruction. Très bon jeu. Que j'adore. Très bon jeu. Ils n'ont jamais rien sorti du genre. C'est ça. Mais c'est cool. Sur ça, on va aller dans quelque chose de peut-être moins destructible, moins impressionnant. On va aller sur Game Boy Color avec Resident Evil Gaiden. Gaiden, qui en japonais veut dire, si je me souviens bien, side story ou side. Ça veut pas dire. Ah ouais, je pensais que ça voulait dire genre la totale, là, le summon, le quelque chose de même. Moi, on m'avait dit que ça voulait dire Gaiden parce que c'est ça qu'il disait quand c'était des trucs, puis ça ferait du sens parce que ça ressemble pas mal à un side story. Ouais. Mais sinon, Gaiden, ça fait du sens aussi. Il y a bien des affaires qui sont Gaiden. Gradius Gaiden. Il y a bien un Gaiden. Ninja Gaiden. Écoute. Ça veut dire Gaiden? Comment dans le chat? Comment dans le chat, tu viens de me dire? Bref, un jeu développé par M4 Studio, un studio britannique que je connaissais pas, et Capcom, sorti sur Game Boy Color seulement en 2001-2002. Ah ben, Simonac, Fred. C'est quoi? Gaiden est un mot japonais qui veut dire side story ou tale, ou qui utilise pour référer à une anecdote ou un supplément biographique sur une personne. Bon, ben ça fait sens avec l'anecdote pour ce jeu-là. Crime, ouais. C'est ninja. Ah, aim. C'est l'anecdote du ninja. C'est des, ouais, dans le sens qu'il y a beaucoup de racontages. Ouais, c'est dans, ça. Ouais. C'est nice, c'est cool. Écoute, on en apprend tous les jours avec Fred quand on l'écoute, non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai tendance à essayer de dire des affaires que je sais, non pas de parler au travers de moi. Ok, bref, revenons à nos moutons. Donc, un jeu sorti sur Game Boy Color, comme je disais, en 2001-2002. Ceux qui sont bons dans les dates se rappellent que c'est pas mal sorti quand la GBA existait déjà. Donc, il y a un peu comme... ouais, exactement. C'est pour ça que ça coûte cher. C'est un jeu, si vous voulez vous procurer, je pense que c'est 70$ la cassette seulement, habituellement, en moyenne. Puis, pour copie complète en boîte, c'est plus que ça. Moi, j'allais pas payer cher. On va dire 180? 200-300, je te dirais. Mais bon, c'est pas grave. C'est un Game Boy en boîte. C'est-tu des prix de Kakoma, ça, au Super NES? Ou c'est des vrais prix? Si on m'a dit que ça fait 300. Bref. Est-ce que ça vaut la peine? Allons-y! Donc, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un top-down survival RPG-like. C'est super. Donc là, on s'entend, il y a des gens qui se mêlent beaucoup avec ce jeu-là parce que à l'époque, Capcom avait fait une espèce de démo pour faire vraiment un Resident Evil 1 sur Game Boy, puis c'était quand même assez impressionnant. Ah ouais? Et c'est pas ce jeu-là. Ça, c'est le jeu qui en est comme découlé dans le sens que maintenant, ils se sont rendus compte que ça allait être impossible à faire, fait qu'ils voulaient quand même faire un Resident Evil, et c'est celui-là qui est sorti. Donc, mettons là, en termes narratifs, l'histoire, ça se passe après Resident Evil 2. Puis là, il y a un bateau de croisière luxueux, il y a comme une espèce de breakdown de virus dessus. Puis que finalement, post-Raccoon City, le Star s'associe avec les restants de Umbrella pour faire comme un super unit pour empêcher tous les événements de BOW qui se passent. Fait que là, Leon s'en va investiguer, puis évidemment, Leon disparaît. Fait que là, on joue Barry et sa grosse barbe, qui s'en va, évidemment, retrouver Leon. Et rendu là-bas, on se rend compte qu'effectivement, c'est rempli de zombies. Puis on rencontre une jeune fille qui s'appelle Lucia, qui, elle, a l'air d'avoir des pouvoirs un peu louches. Mais tout d'un coup, elle est en contact avec un autre B.O.W. C'est sûr que c'était pas clean, c'était pas PG-13. Il y a bien des options disponibles là-dessus. C'est comme un Telltale game. Toutes les options ont apparu dans le tournant de passe. Fred will remember that. Bref, Lucia, ses pouvoirs sont plus de la télékinésie et d'être capable de prédire quand est-ce que ce monstre-là arrive. Et évidemment, s'en suit plein d'histoires à la Resident Evil. Donc, là, jusque-là, on est dans la famille de Resident Evil, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gameplay est assez spécial. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est en mode top-down pour faire l'exploration. Donc, on se promène un peu, pas nécessairement à Zelda, mais dans le même genre, donc vue perspective et tout. puis on cherche des items, on fouille des rooms et tout. Ouais. Par contre, évidemment, il y a des zombies. Qu'est-ce qui se passe quand on a des zombies? Ben là, on tombe dans le mode de combat et c'est là que le jeu surprend. C'est que là, on tombe en first person. Hein? Et on est, c'est pas un jeu de first person dans lequel on vise puis on tire des ennemis. C'est non, non, on a des ennemis qui s'approchent de nous. Puis on doit les tirer avec une petite barre qui défile à l'écran comme en va et vient, comme un rhythm game. Il faut tirer au moment où est-ce que la petite barre apparaît vraiment sur la zone de l'ennemi. Donc, et là, c'est vraiment weird. Ça a l'air sketch que le Christ. Ça a l'air sketch que le Christ. Bien, ça. Mais bref, c'est vraiment plus du timing et tout. Tu as différentes armes qui vont te permettre d'atteindre les ennemis à différentes distances. Puis là, évidemment, c'est un survival. Fait que tu manques toujours de balles. Fait que tu es toujours au couteau à attendre que les ennemis viennent te t'approcher. Donc, c'est particulier pas mal. Donc, dans le jeu, comme je disais tout à l'heure, on joue Barry, mais éventuellement, on ramasse d'autres personnages. Quand on a les autres personnages, c'est pas comme un party de RPG, c'est qu'on se promène toujours en un personnage à l'écran. Sauf que quand on arrive dans ces moments de combat-là, là, on a trois persos qu'on peut alterner en appuyant sur B. Puis, ça devient comme un peu comme tes autres armes. Donc, chaque personnage peut équiper une arme. Fait que là, tu vas avoir un qui va avoir le couteau, un qui va avoir le gun, un qui va avoir la mitraillette, mettons. Là, tu vas alterner selon les ennemis, leur distance et tout, tu sais, pour fighter puis dispatcher les affaires. Évidemment, le hic, c'est que la personne que t'as en ce moment, au moment que t'attaques l'ennemi, s'il t'attaque, c'est elle qui prend le dommage. Fait que les personnages plus faibles, tu veux faire attention et tout. Donc, c'est assez particulier. C'est vraiment assez... à Aliens Infestation. Ouais. Est-ce que quand il y en a un qui meurt, t'as l'autre, c'est comme une banque. Non, c'est tout le monde est mort. C'est game over. Okay. C'est vraiment important de rester avec tout ça. Donc, malgré tout, c'est une adaptation qui est vraiment différente, mais ça reste vraiment fidèle à Resident Evil. Puis ça m'a quand même assez surpris. Donc, côté exploration, c'est vraiment comme dans les autres consoles, dans le sens que tu dois trouver des clés, tu sais, toujours ramasser des items qui te permettent d'unlocker telle affaire. Là, maintenant, tu ramasses, mettons, un lock break qui te permet de péter la porte qui va être comme ouvrable. Tu sais, c'est toujours le même principe, beaucoup de back and forth comme ça. C'est très, très, très survival aussi, donc il n'y a pas beaucoup, beaucoup de munitions dans le jeu. Faut toujours que tu surveilles ton health. Toutes les armes classiques de Resident Evil reviennent, le shotgun, la mitraillette, le fameux lance-grenade et tout, puis le lance-roquette classique de tous les jeux en général, disons. Ouais. C'est sûr. Puis la seule affaire qui est un peu différente, c'est qu'il n'y a pas de mélange. Là, ça, c'est dans l'autre Resident Evil, il y avait beaucoup de gossage, il fallait essayer de combiner tes items, regarder qu'est-ce qu'il y avait et tout. Ça, c'est pas là. Là, tu ramasses ton weed direct à terre, parce que ça ressemble à du weed vraiment. Là. Moi, je trouve ça drôle. Et puis, c'est déjà mélangé. Puis bon, c'est un peu les mêmes effets que d'habitude et tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que le changement, par contre, drastique du combat, là, ça se fait pas sans égratigneur, disons. Donc, le timing est vraiment difficile selon les armes. Puis, tu gaspilles beaucoup de balles à cause de ça. Puis, des fois, c'est un peu frustrant, parce qu'il y a comme un petit délai. En tout cas, il y en avait un sur ma télé. Je suis pas mal sûr que c'est dans le jeu. J'ose pas espérer l'enfant qui jouait à ça sur une Game Boy Color, pas rétro-éclairé, dans son char avec la petite barre qui va super vite, à essayer de synchroniser ça sur 4 pixels. C'est genre, Dieu est son âme, je suis pas mal sûr qu'il peut pas avoir survécu à ça. Donc, évidemment, ça enlève un peu de stratégie quand même, dans le sens que ton approche avec les ennemis, c'est un peu toujours la même quand tu tombes en combat. T'as pas nécessairement de visée, tu peux pas vraiment... Toutes tes armes font un peu la même chose, c'est juste qu'ils vont avoir des petites variétés assez minimes. Puis, tu sais, les combats sont durs à éviter. Là, on s'entend, là, les personnages ne bougent pas vite. Puis, c'est du level design de 8 bits, un peu à la Zelda, où est-ce que tu as toujours des obstacles qui forcent à aller ses ennemis. Fait que tu es tout le temps. À même, tu es tout le temps en train de donner des coups de couteau dans ce jeu-là. Puis, c'est ça qui est. C'est pas là que c'est le plus plaisant. Par contre, c'est l'autre truc aussi qui ça flabbe, tu sais, que ça fait ressortir du jeu, c'est que c'est pas tellement portable friendly. Tu sais, comme je disais, le combat il est vraiment difficile là, sur un écran de Game Boy Color. Là. Mais aussi, on se perd un peu dans les objectifs. Des fois, dans les personnages, il y a beaucoup de dialogues dans le jeu, puis on va souvent te donner tes indices-là. Puis t'as une carte qui est pas très précise, mais qui dit où aller, mais ça dit pas vraiment qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour rentrer là, des choses comme ça. Fait que des fois, c'est super un peu. Là. J'ai été obligé d'aller voir une Solus sur Internet pour essayer de comprendre un peu ce que je passe. Puis le Solus. Ouais, excusez, je parle français. Ça m'a rentré dans le corps. C'était surette. L'autre affaire aussi qui est pas très portable friendly, c'est que le système de sauvegarde est vraiment... C'est pas le même que dans les autres Resident Evil où est-ce que t'allais à des points. Dans ce jeu-là, c'est quand t'atteins les des moments importants de l'histoire, tu as une sauvegarde. Ça veut dire que si t'es bloqué et tu veux aller souper, long, ben hein? C'est comme non, tu save pas. Désolé. Tu recommences à ton dernier save, tu gars, too bad. Ou tu la surposes, tu brûles tes batteries. Exactement. Ouais. Cela dit, ça reste quand même un jeu qui était audacieux, je trouve, pour l'époque. Ben, vraiment, on s'entend. Hein? Je veux dire, c'est pas inintéressant. Tu sais, le combat avec le temps finit par gagner en profondeur. Tu sais, tu vois des ennemis qui tu sais, dans le fond, quand t'es dans le combat, les ennemis se rapprochent de toi jusqu'à ce que dans ton knife range. Ben, maintenant, tu vois des ennemis qui peuvent t'attaquer à distance et tout. Fait que là, tu commences à décider quel personnage va mettre telle arme, puis comment tu vas faire. En tout cas, ça gagne un petit peu de profondeur. Le scénario aussi est quand même assez bon pour la série. T'sais, c'est quand même le même niveau que Resident Evil. On n'est pas gêné là, que ça fasse partie c'est de la ça, série. Là. Exactement. C'est sûr que ça ressemble un peu sur les bords à Revelations là, sur 3DS. Ça s'est demandé si justement Revelations c'était pas né des frustrations de ne pas avoir pu faire le jeu qu'il voulait avec celui-là. Mais bon, ça ressemble un peu, mais c'est quand même intéressant. T'sais, ça reste, c'est sûr, c'est du 8-bit. Là, dans les dessins sont très laids dans les cutscenes. Vous regardez mes streams, c'est un peu drôle. Mais bon, t'sais, somme toute, c'est un beau jeu. T'sais, l'expérience visuelle est correcte. C'est on part avec ce qu'il y avait sur GBA. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir dans le Twitch et qui me disaient que ça ressemblait à Metal Gear Solid justement sur Game Boy. Ouais, ouais c'est ça, vrai, ça a l'air ça. Un peu de ça, ouais. Donc, c'est quand même intéressant. Ça me fait penser à Blade un peu aussi, ça fait. Puis la musique est pas mauvaise. Il y a des pièces qui sont vraiment pas bonnes, mais la musique en intro, je trouve qu'elle est cool. La manière, elle a comme une espèce de upbeat qui part, là, parce que ça rentre au poste. Fait que, bref, c'est une expérience intéressante. C'est vraiment un Gaiden qui porte bien son nom, dans le sens que ça fait partie de la famille Resident Evil, mais ça a été oublié. Là. Il y a beaucoup de gens qui étaient comme surpris qu'il y avait un Resident Evil qu'ils connaissaient pas finalement. Donc, si vous avez la chance de l'essayer pour pas trop cher quand même, ou si vous êtes collectionneur puis vous avez la chance de mettre une copie, je pense que ça vaut la peine. C'est une curiosité intéressante et tout. C'est pour cette raison-là que je donne un 6 sur 10. Okay. Donc, c'est pas parfait. C'est pas le meilleur jeu de l'année, mais c'est pas quelque chose que t'as l'impression d'avoir perdu ton temps non plus à jouer. C'est intéressant. C'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire. Bon! Ben moi, ça, 6 sur 10, pour moi, c'est comme, vous savez, là, moi, ouais, 6 sur 10, c'est genre, bien, là, c'est correct, c'est un petit peu mieux que la moyenne, là, tu sais, c'est pas... Moi, je trouve que ça a l'air de la merde, en est ouais. Chacun a son échelle de qualité. D'ailleurs, quand t'as parlé de musique pendant 2 secondes, j'ai complètement oublié de parler de la musique de The Messenger. Ouais, c'est bon. C'est un, oui, non. Puis à Switch de 8 en 16 bits aussi. Okay. En plus. Et puis elle est faite par un gars, j'ai oublié le nom, on me l'a poké. Je pense que c'est un artiste chiptune de Québec, justement. Allez voir ça doit être facilement trouvable là, dans les specs du jeu. Très, très, très intéressant. Excellente musique, là, tu sais, comme, t'écoutes ça, tu peux l'écouter en travaillant dans ton char, c'est pas gênant. Yes! Yeah. Yeah. Alright! Parlant de choses pas gênantes, je vais parler de Guacamelee! Parler des moroïdes! Ouais, exact! Hey, je suis surpris, j'ai jamais entendu parler qu'il y en avait un deuxième. Il y a comme un silent release, on dirait, parce que moi non plus, je n'avais pas tant entendu parler, hop, il est arrivé. Ouais! C'est complètement un nouveau jeu. Non, mais c'est ça. Ils ont annoncé qu'ils faisaient un Guacamelee 2. Puis, tu sais, ça se faisait. Sauf que le lancement, ils ont vraiment... Ça s'est vraiment annoncé, genre... Ça s'en vient vendredi! Tu sais, c'était vraiment comme... C'est sorti à dernière minute de même. Ouais. Fait que je sais pas. Bref, dans Guacamelee 2, si vous avez jamais joué au premier, je vais vous raconter c'est quoi un peu. Bref. Guacamelee, en fait, t'es un luchador, en fait. Puis, t'es un lutteur mexicain, puis ça se passe justement dans l'espèce de... Au Mexique. Ça se passe au Mexique, puis justement, là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que t'as des combos qui te permettent de faire du platforming. En gros, c'est ça. C'est un Metroidvania, un terme qu'on dit sans arrêt, surtout y a pas tous les termes, athlètes de jeux vidéo, mais qu'est-ce que vous voulez, il y en a beaucoup. Mais celui-là, c'en est un excellent. Bref, dans Guacamelee 2, on se retrouve 7 ans après les événements du premier jeu. C'est ça, Juan est devenu un père de famille, fait qu'il est devenu gras. Fait que tu commences avec un Juan qui est gras, puis là, il est en cuisine avec sa femme. Puis sa femme est comme, OK, là, va chercher de la guacamole, tu sais. Puis là, il s'en va pour chercher de la guacamole, puis tout, c'est ton premier quest. Puis, à ce moment-là, il y a un nouveau vilain. Le vilain, il s'appelle, je ne vais pas me tromper, Salvador. Puis lui, il veut scraper le guacamole. Ce qu'il appelle le Mexiverse. Dans le fond, ils ont comme fait c'est un comme le Wakanda, mais mexicain. Exact. Avec Tacos. Moi, je sais pas lequel que je préfère maintenant. Ils ont fait un clin d'œil à l'univers de Marvel que je trouve très drôle. C'est quoi le Wakanda? C'est dans Black Panther. C'est le pays caché. C'est le pays caché du monde. En fait, personne ne sait c'est où le Wakanda. Ok. C'est un univers grandiose. Ouais. Il y a juste pas de Starbucks. C'est pas Wakanda. Ouais. Ça s'en vient. Tout est sa coche. Je te raconterai pas la fin, mais ça se peut que le Wakanda, tu sais, ça. Ça passe parti. Faut t'écouter le film déprimant de Marvel. Puis c'est ça. Puis faut aller arrêter ce gros méchant-là, évidemment, en allant chercher des reliques. Il y a 3 reliques qui se retrouvent dans le monde. Il va falloir aller les trouver. Puis il va falloir aller dans le dark side du monde. Parce que dans Guacamelee, une affaire qui est intéressante, c'est qu'on peut traverser entre 2 réalités. Un peu comme tu parlais dans Messenger. C'est ça. Fait que c'est un Metroidvania dans le sens où il y a du backtracking, puis il faut que tu t'ailles à plusieurs endroits, que tu débarres tes pouvoirs. T'as aucun pouvoir au départ. Tu perds la bedaine avec le temps. Ouais, tu perds la bedaine. En fait, au début, quand il y a ce conflit-là, il y a l'espèce de chaman qui est en chèvre, qui était là dans le premier. C'est une chèvre qui se transforme en petit vieux. Puis lui, il dit, là, t'as pas le choix, Krim, faut que tu y ailles, faut que tu remettes le masque. Puis une fois que tu remets le masque, il est comme... Ça l'a mis du muscle, là. C'est ma théorie aussi pour ma bédaine. C'est quand même cliché. C'est comme le gars qui a des enfants, il devient un gros gras. Ouais, exact. C'est nous autres, c'est ça qui nous arrive. Ben, c'est un peu ça, la vie. C'est triste, mais c'est ça. T'sais, on est fait. On est fait. Fait que c'est ça, fait que... Dit-on en mangeant des chips. Ouais, c'est ça, exact. T'sais, on se demande pourquoi. Fait que c'est ça, là-dedans t'as les power-ups. Les power-ups, c'est un peu comme le premier jeu. T'as un double saut, t'as un gros punch vers l'avant, t'as un uppercut, t'as un body slam où tu slams vers le sol. Tous ces mouvements-là vont te permettre de passer à travers certaines sections. Fait qu'admettons que t'as une section qui est rouge comme un gros bloc rouge dans le ciel. Ben, tu peux débarrer avec ton uppercut qui est rouge. Comme dans le premier. Fait que t'as un pouvoir rouge, un pouvoir bleu, un pouvoir jaune et un pouvoir vert. Puis, ces pouvoirs-là, tu vas les débarrer au fil de l'aventure, évidemment. Puis, les couleurs fonctionnent aussi avec le combat. Fait que là-dedans, tu vas te battre avec plusieurs ennemis qui sont vraiment très améliorés du premier jeu. Ah ouais. Il y a vraiment une très belle variété d'ennemis, autant des très, très, très gros que des très petits. Tu commences d'ailleurs le jeu en battant un espèce de behemoth incroyable, dans le fond, qui est un peu la fin du premier jeu. Fait que c'est ça. Fait qu'ils n'ont pas eu peur de jouer en termes de scale, là, de grandeur. Puis les ennemis sont tous quand même assez intelligents. Ils vont pas attendre là que tu ailles les battre. Guacamelee est quand même un jeu qui est assez accessible en termes de combat, par exemple. Ouais, ouais. Le combat est très facile. C'est pas super compliqué. Si vous jouez aux jeux vidéo, c'est relativement satisfaisant aussi. Là. C'est ça. La puissance de tes combos t'éclate le monde. Puis c'est ça ce qui arrive, en fait, c'est que des fois, tu vas te battre, puis il va y avoir des ennemis, mettons, qui ont une barrière rouge. Fait que là, faut absolument que tu lui donnes un uppercut avant de pouvoir débarrer cette barrière-là puis les battre. Exact. Puis tu vas aussi apprendre des mouvements spéciaux par la suite, en plus de ces mouvements-là que tu as déjà, fait que des combos. Puis là, contrairement au premier, tu as des entraîneurs dans ce jeu-là. Fait que les entraîneurs vont être là. Ils vont être là, évidemment, tu vas les rencontrer dans le jeu. Mais aussi, tu vas avoir un panneau de compétences où tu vas pouvoir dire, OK, moi, je veux ça, je vais dépenser mon argent là-dessus, puis là-dessus. Fait qu'un léger côté RPG, mais léger. Puis c'est ça, une autre grosse différence du premier, c'est que là-dedans, dans le premier, tu peux aussi... Il y a aussi des sections où tu te transformais en poulet. Ouais. Ah oui! Puis tu faisais des endroits un petit peu plus restreints. Là-dedans, on a ramené le poulet, mais là, le poulet a ses power-ups. Oh! Fait que ça, c'est hot! Fait que tu peux comme double piquer, genre comme... Tu vas le désert. Puis dans le fond, il y a le pouvoir mauve, lui. Oh. Fait que des fois, t'as des ennemis, genre t'en as un bleu, un rouge, un vert, un mauve. Fait que là, c'est comme tu te bats, transformes en poulet, smash, tu sais, c'est... Ah ouais, ils ont vraiment bien mélangé tout ça. Puis dans le platforming, des fois, ils donnent juste pas le choix d'utiliser les deux, tu sais. Des fois, tu fais comme un saut, tu t'agrippes après une affaire, tu te lances, transformes en poulet, smash un mur, descends en bas. Fait que là-dedans, ce qui est vraiment satisfaisant en Guacamelee, c'est le platforming. Ah ouais, c'est ouais. comme... le jeu de platforming, un des jeux de platforming les plus écœurants qui existent, parce qu'ils ont comme un peu... Ça fait gros de dire ça, mais ils ont comme un peu réinventé le platforming, parce qu'il faut que tu fasses des combos pour faire ton platforming. C'est pas juste une affaire de sauter. Faut que tu sautes, que tu fasses des punches différents, que tu te transformes pour réussir à faire ça. Puis des fois, pour ajouter au mix... C'est un peu comme Smash, finalement. Oui, oui, oui, c'est vrai, c'est un peu comme Smash. Mais c'est vrai dans un sens que c'est un peu comme Smash, de la façon que les personnages envolent puis tout. Tu peux aussi attraper tes personnages puis les pitcher les autres, c'est ça qui est cool. Oh. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que dans les combats, ils ont aussi ajouté beaucoup de les deux dimensions. Ça, ils l'avaient mis dans le premier. Mais là, des fois, il y a non seulement les deux dimensions, mais des fois, tu as comme des espèces de flux de d'énergie qui vont vers le haut ou vers le bas avec de la lave en haut ou en bas. Là, tu es avec des ennemis, puis là, faut que tu t'es smash, tu changes la gravité s'en va, puis t'es fait envoyer dans la lave. Fait que tu sais, t'as comme plusieurs affaires à penser comme ça qui est vraiment cool. Il mélange bien des affaires. J'ai juste le meme en tête de la fille là, qui calcule. Ah oh, ouais, ouais, c'est ça. Julia Roberts. C'est Julia Roberts, ça. Ok, bah, c'est essaye ça. De... Non, c'est pas Julia Roberts. Mais ça y ressemble. C'est pas. Dans une série, voyons, Colin espagnole. Ah ouais, c'est ça. Ouais, et j'ai vu l'autre fois l'origine. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui se sont mis à dire que c'était dans le film du film? Ah, Eat, Pray, Love? Non, l'autre. Avec Tom Hanks. Voyons, le livre là, que tout le monde a lu, là, que j'ai lu moi-même. Là. Pas Rain Man. Ben là, tu l'as lu, tu devrais le savoir. Da Vinci Code. Ouais. Ah, Da Vinci Code. Ouais. Non. Ben, t'es pas là-dedans. Non, elle était pas là-dedans. C'était Audrey ça, Tautou dans Da Vinci Code. Ah ouais, non, ça a fucking pas rapport. Mais je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai pensé qu'elle était Julia Roberts parce qu'il y a du monde qui l'ont dit. Ouais. Si je la regardais toujours, comme ça, ça y ressemble pas. Ça, c'est comme le petit gars, l'oiseau, tout le monde pensait que c'était Jean Leloup. C'est pas Jean Leloup. Tantôt, on avait Yannick dans le chat. Si il y a Yannick qui pourrait nous répondre, je suis pas mal sûr. Ouais, c'est vrai, Yannick, tu es pas mal le gars. C'est un parti de son talent tree, de pouvoir identifier les acteurs dans les mimes. Mais on reviendra après. Ouais, on s'éloigne un peu. C'est ça, bref, tu sais, changer de dimension, platforming, tout ça, c'est vraiment bien réussi. Puis. Le level design là-dedans est vraiment incroyable. Puis ils savent que le platforming, c'est leur force. Fait que le combat est là, puis il est le fun, puis il revient souvent, puis il te donne des arènes où tu n'as pas le choix de te battre. Mais c'est le platforming qui va te faire revenir, puis ça va être le fun. Des fois, ça devient un petit peu demandant, un peu trop demandant, parce qu'il faut que tu fasses plusieurs combos, mais tu vois, ça va être le fun. Une affaire que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des références à plusieurs jeux vidéo. Oui, c'est ça, je voulais savoir. Comme dans le premier, il y en avait à Metroid, il y en avait ouais. Quoi, exact. Dans celui-là, il y a encore la référence à Metroid, parce que quand tu pognes tes pouvoirs, c'est une c'est référence statue, directe, là, c'est la statue. La boule, c'est vraiment drôle, même des fois, ils niaisent avec ça. Les textes sont écœurants, lisez, fantastique. Ouais. C'est encore c'est un jeu qui est canadien. C'est pas un jeu qui est américain, c'est pas un jeu qui est québécois, c'est un jeu qui est canadien, je me souviens plus. Mais c'est Drinkbox qui l'ont fait, puis c'est des Canadiens. Mais c'est ça, il y a plusieurs références, puis à un moment donné, c'est drôle parce qu'ils niaisent avec ça. Tu sais, tu punches ta statue, puis là, t'es content parce que t'as ton pouvoir, puis ça fait comme ta-ta-da! Avec un espèce de gros éclair, puis le gros sprite, puis c'est malade. Cramba! Puis là, à un moment donné, tu frappes, t'as ton affaire, puis là, t'es là, puis t'attends, puis là, la fille est à côté de toi, elle fait comme, ben voyons. Ça fait comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, à un moment donné, ça attend, t'attends. Ça finit par apparaître. Fait que eux autres aussi ont niaisé avec la formule, un peu comme dans Messenger. Ça, c'est vraiment génial, le fun. Ça puis dans les références que j'ai remarquées, entre autres, il y avait Limbo, Bad Dudes. Très, très grosse référence à Bad Dudes, sortie de nulle part. Carnage, qu'est-ce que deux références à Bad Dudes. Ah ouais? Il y a le panneau du jeu de Bad Dudes, sauf qu'ils ont changé le nom. Genre, c'est Bad. Los Malos Muertos. C'est ça, c'est genre Bad Hombres ou une affaire la même. Mais après ça, tu as le panneau justement Save the President. Là, à la place, tu as un gringo qui arrive avec son casque, sa moustache de même. Parce que, hey, what's up? Fait que c'est vraiment drôle. Puis il y a Double Dragon, River City Ransom. Fait que tu sais, c'est vraiment cool. Il y a de l'amour là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est ça, je dirais, mon seul point faible du jeu, c'est vraiment que le combat est peut-être un peu trop facile, mais en revanche, les boss vont vous en faire baver, c'est vraiment difficile. C'est vrai, comme dans le premier, ça a vraiment l'air d'être pareil comme le premier. Oh, oui, c'est ça. C'était la suite. Non, mais la suite, la même affaire. À part que le poulet fait plus de choses. Mais c'est une, c'est une ce qui n'est pas de mauvaise chose. C'est une belle continuité. Parce que Chris, moi, le premier, man, dans le temps, avec Rétro Nouveau, je pense que j'y avais donné 100%. Ouais, tu sais, des fois, tu commandes une pizza, une place, qui est tellement bonne que t'en recommandes une deuxième fois. Mais celui-là, moi, sérieusement, je pense qu'ils ont relevé le défi de faire de quoi d'encore meilleur, malgré le fait que, tu sais, on est dans le même zone. Puis je tiens à. Je pense qu'il y a quelque chose à. Tu m'as fait rire avec ta dose de pizza. Vas-y. Non, puis je tiens à saluer Zef des Power Chasers. Yes! Qui a platiné ce jeu-là comme un mongol. J'ai même vu ça de mes yeux vus. Toutes les trophées, ça n'a pas de bon sens, t'es un dieu, on sait pas comment tu fais. Et il s'est occupé de ton chien. Il s'est occupé de mon chien, ouais, en plus de ça, ok, mais. Le petit Askel, le platinage. Fait que c'est ça, fait que c'est un jeu aussi que vous pouvez jouer à 4. Ça, c'est pas ça n'a pas de bon sens, parce que déjà, 4, il n'y en a plus. Qui fait ses moves. Ouais, mais c'est 4 d'autres en même temps qui marchent partout. Ouais. Okay. Mais ça devient quand même assez facile, mais sur le platforming, c'est quasiment tough. Fait que c'est ça. Fait que moi, je donne un 9 sur 10. C'est un jeu auquel j'aurais donné plus, mais j'y donne moins vraiment à cause que le combat, c'est quand même assez facile. Puis tu sais, il n'y a pas vraiment d'autres niveaux de difficulté dès le départ. Je pense que ça, il y aurait une amélioration à ajouter, mais encore là, j'ai eu énormément de fun, puis le platforming est venu me casser ailleurs. C'est moi le premier, man. J'avais aimé bon, ça. C'est très bon. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et graphiquement, belle... visuellement, ils sont tellement surpassés. Tu sais, ah ouais? C'est tout fait à la main, c'est beau, il y a de la profondeur là-dedans. C'est sur quelle console, ça, mon beau Bruno? Ça, c'est présentement seulement disponible sur PS4 et PC. Il a été annoncé dans les « on veut le faire » pour One et Switch, mais il n'y a pas eu aucune date, je pense que c'est aucun développement. Temporaire, hein. C'est ça, je pense que c'est vraiment une exclusivité temporaire. Le premier, c'était Sony. Ils font bien chier. Le premier, c'était la Vita. Il était sorti sur Vita en premier. Après ça, ils l'ont sorti sur la PS4. C'est sur Vita, j'y avais joué dans le temps. J'avais tellement eu de plaisir. Je veux revivre ça avec ma Switch. Là. La Switch, elle est comme une Vita. Oui, la Switch. C'est comme la Vita, mais 100 000 à l'heure. C'est pas ça, tu vas attirer le mauvais œil, toi. Tu vas attirer la malchance. C'est comme la Vita, là. Le tonnerre. Mais allez chercher ça. Yes, pas mal cool. Ouais. 20$ à part ça, c'est vrai. 20$. Ça les vaut. Ouais. 20 beaux dollars. 20 beaux dollars. 8 tacos. Ouais, oh! Colin, ou 2 dans sa 10. Non, mais on reste dans le Mexique. Mais là, ça reste dans le Mexicain. Tu peux aller. Mettons, des Mexicains qui vont au super sexe, mais c'est fermé. Si on reste dans le Mexicain, c'est 4 dans cette. Bon, ben, ça y est, on a fait nos mauvaises blagues sur le Mexiverse, mais parlant de Mexiverse, je sais pas comment on va enchaîner avec ça. Ça va pas. On va aller faire un peu d'or. Il y en a ici, Bruno. Ah, mais tu veux une hashtag? Oui, hein, là. Oui. On salue, là. On salue la nano. Amène-en une, Carlis. Carlis. La bière à 2%, la session. Nano IPA. Nano session IPA, je sais pas quoi, de Hochelag, là, la canne de bière à 2%, qui est parfaite pour se finir en soirée. C'est ça. Ouais, c'est ceux ça. Ceux qui conduisent ou ceux qui doivent travailler le lendemain matin. Ah ouais, dont moi, mais je m'en calisse. Ceux qui doivent manipuler l'or gris. Oui! Puis je vais commencer, dans le fond. Est-ce qu'on commence avec l'annonce? Vas-y avec tes trouvailles, puis on va enchaîner avec le truc qui t'en va. OK. Alors, je veux d'abord remercier Kevin Boily de RetroGamer.ca et de l'excellente cassette, l'excellent podcast, le Chac à cassette, pour ce Shinobi Légion au Sega Saturn. Ça, c'est les nano IPA de Hochelag à 2% dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça goûte le sapin et ça permet de ne pas être chaud. Et puis, donc, Shinobi 3, moi, au Genesis, j'avais capoté ma vie. Puis ça, semblerait que ça, c'est pas mal dans le même style. Donc, c'est une cassette qui vaut à peu près une centaine de dollars complète comme ça. Alors, très heureux d'avoir ça. Merci, Kevin. Ça l'a passé une annonce sur le CCJVQ, ça, d'un pawn shop de la Rive-Sud qui ont reçu une collection. Fait que tout le monde s'est garoché, puis Kevin y a acheté tout ça. Alors voilà. Je veux remercier mon collègue ici, Frédéric Gémus, de m'avoir trouvé Ocean Commander à la Wii, qui est un genre de shmup sous-marin. Moi, chez nous, j'ai Veggie World sur Wii, qui est un shmup de légumes. Ben, ça, c'est le shmup sous-marin, qui a de l'air aussi mal fait et aussi clunky. Sauf le shmup de légumes, il vaut une cinquantaine de piastres. Puis ça, ça vaut fuck all. Ça vaut 5-10 piastres. Ben, ce qu'il faut dire, c'est que quelqu'un l'avait montré dans ses trouvailles du CCJVQ, ce jeu-là, de la Réunion. Ouais. T'avais dit, hey, j'ai pas ce jeu-là, je voudrais l'avoir. Ouais. Je t'ai dit, je cite, ah, oh, ça se trouve facilement. Puis 4 jours plus tard, je t'avais une copie. J'en reviens pas comment t'as réussi comment juste me donner ça. C'est incroyable. Il existe une version DS aussi, il me semble, tout comme Veggie World d'ailleurs. Donc, sérieux, merci beaucoup. Je vais sûrement faire un setup de pauvre de ce shmup sous-marin-là. Bon, écoute, vite fait, Dead Cells ici que j'ai acheté en copie physique. J'attendais le physique pour jouer sur la Switch parce que la Switch, c'est la vie. J'ai pas commencé encore parce que je jouais à The Messenger. Ouais. Je voulais être sur la nouvelle, donc je voulais en parler aujourd'hui, jour où l'embargo tombait. Cela dit, je vais être un peu en retard pour parler de Dead Cells parce que tout le monde se masturbe en jouant à ça présentement. Puis moi, je vais en parler le 11 septembre. Mais, on en parlera à la gang, puis ça va être correct. Exactement, on va jouer, puis on va donner notre point de vue. Okay, j'ai bien, bien hâte. On se masturbera à la gang. On se masturbera. Circle jerk. Circle jerk sur Dead Cells, le gros. Ça va être excellent. Moi, j'imagine le parent qui arrive à ce moment-là. Ah, ouais, c'est ouais, Circle exact. Jerk sur Dead Cells. C'est comme, OK, ça, c'est un podcast de drogués qui font des incantations sataniques avec leur semences. Là, je veux parler d'un jeu de PlayStation 2 qu'on avait dans notre inventaire de Rétro Montréal. Et puis que. Qui est plus dans l'inventaire, parce que j'ai décidé de le pogner, hostie. C'est un jeu qui s'appelle Gungrave et qui vaut un bon 30$. Un gros 30$. Au PlayStation 2, tu manges notre profit, Dominique. Beaucoup. Puis Bruno, parle-nous-en, parce que toi, t'as joué à ça. Moi, ça a l'air d'être ça. Un genre de Bayonetta, fucké avec un hostie de gros. C'est ça, c'est que tu traînes une. Un tombeau dans ton dos. Ah, c'est un tombeau qui traîne. T'as tes guns dedans. Dans le tombeau. Comme Gungrave. Puis, en plus de ça, ce qui est malade, c'est que ton bonhomme, il est massif. Le bonhomme, il est lourd. Quand tu te promènes, tu sens que c'est lourd. Puis, t'as du stock à traîner. Puis, quand tu tires le monde, c'est impactant. Dans ce temps-là, tu sais, c'était pas révolutionnaire graphiquement. Mais toutes les fois que tu tires quelqu'un, tu sens le punch du tir, tu sais, c'est vraiment vraiment intense, puis c'est dans des corridors quand même la plupart du temps, quand tu tires. Il y a Gungrave, mais il y a Gungrave 2 aussi, qui vaut encore plus la peine que celui-là. Il me semble qu'il est au PS2. J'ai pas vu ça dans mon listing. Moi, sans m'y connaître, je suis pas mal certain que ça, c'est un manga, parce que j'ai entendu parler, moi, d'un manga, ou j'ai peut-être vu un genre de manga avec un dude qui traînait des armes dans un cercueil, là, de même. Là. Je parle de Gungrave Overdose. Sur quelle console? C'est sur PS2. Mais il y avait vraiment eu des critiques aussi épouvantables. Ah ouais? Ouais. Okay. Il y avait eu des mauvaises critiques, mais... J'avais pas haï ça, mais Gungrave, vraiment... Je vais regarder, ça doit valoir cher, Gungrave Overdose. En tout cas, très bel ajout, je trouve. C'est écrit en arrière, « Kick their ass ». Puis quand c'est écrit de « kicker their ass », c'est... I'm in! La musique est écœurante. I'm in, Jocelyn! Et dernière chose, ça, c'est un très gros jeu. J'avais un Flintstone Surprise at Dinosaur Peak, qui est pas mal le numéro 2. Si on compte pas, le numéro 3 des jeux rares au NES, dont on pourrait y aller avec Stadium Events, Little Samson et Flintstones. Deuxième officiel, si on compte pas le Stadium Events, qui vaut en très belle copie, je dirais 1000$. La mienne était maganée un petit peu, donc autour de 700-800 que je l'évalue. Peut-être même plus, ça dépend, mais c'est dur à vendre aujourd'hui des jeux de ce prix-là. Fait que c'est ça. Et puis, j'avais essayé de le vendre, ça s'est pas vendu. Mais le propriétaire du Sputnik de Alma m'a poké. J'ai déjà acheté des jeux à ce gars-là pour finir mon full set NES. Monsieur Lapointe, j'ai oublié son prénom, il faudrait que je fouille. En tout cas, je le salue parce que c'est un dude avec qui j'ai transigé des milliers de dollars Interac, puis qui aurait pu se sauver avec mon argent n'importe quand, tout ça. Puis, comme il a été legit, j'ai reçu le stock le lendemain, tout était parfait. Là, ce qu'il m'a dit... Je propose de trader ton Flintstones contre un Haganey au Super NES. Hagané, pas magané, à part, vous voyez la petite ligne blanche qu'il y a là à droite. Donc, c'est tout ce que le jeu a de pas beau, dans le fond. Donc, Hagané, qui est le jeu... C'est-tu le jeu... Il est pas rare, si tant que ça. C'est le deuxième, après le... Ouais. Après Aero Fighter. Aero Fighter? Il est plus rare un peu, je pense. Ouais, oh, là, c'est parce que tu l'as, là. Ouais, price charting, on va les chiffres. C'est deux jeux à 800$, là, à peu près, là, dans le fond. Fait que, mais le jeu de mountain bike et puis de speed racer, là. Ça, c'est pas sorti officiellement, ça. Ouais, mais ok, mais ça, ça compte. Fait que ça coûte cher. Maxime, qui a terminé d'ailleurs son full set de Super NES cette semaine, officiellement. Ouais, salut. CB. Dit que non, que en fait, Mountain Bike slash Speed Racer n'est pas sorti. C'est juste des gens qui ont trouvé les copies qui n'avaient pas été sorties dans un entrepôt et qu'ils ont vendu sur le marché. Puis c'est pour ça qu'il y en a. Oh. Donc, techniquement, il y en a. C'est pas un jeu officiel en full set. Donc, bon, ben, ce que vous voyez à l'écran présentement, ça vaut genre. C'est les deux tops du Super NES. Ça vaut 1600$, puis c'est les deux tops jeux les plus rares. Pas les plus rares. Parce qu'on en voit, mais ils sont plus rares qu'Earthbound, on va se le dire, mais pas si rares que ça, parce qu'au dernier, si c'est JVQ, j'en ai 4, là, genre. Okay. Mais parce que c'est un late release, le label, il est printé sur un sticker cheap, fait que c'est difficile d'en avoir un en très bon état. C'est de là la joke du Hagané-Magané ou du Hagané-Pas-Magané. Fait que ça, c'est un Hagané-Pas-Magané. C'est un petit jeu de badass de ninja cybernétique, mais beau, hein, très, très, très, très difficile. C'est pas super le fun à jouer. Ben, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau. Il y a trois boutons qui font toutes des affaires différentes. C'est ça, t'as trop de boutons. C'est un peu tough. C'est difficile d'apprentissage sur le coup. C'est décevant, ça. Mais écoute, ben, c'est un jeu de collection. On est des pas bons, on n'a pas assez joué. Non, mais je pense qu'il y a du plaisir à avoir avec ça. C'est plus un bon jeu que justement Mountain Bike et Speed Racer. Ah non, on s'entend, là, tu peux jouer à Hagané, Magané ou non. D'ailleurs, le Mountain Bike, c'est ça, il est en ce moment à 1705$, mais comme je te dis, c'est qu'il n'est pas techniquement officiel. Par contre, la copie moyenne de Hagané, moyennement Magané, est à 690,34$ en ce moment sur Price Charting. Donc, tu sais, il faut s'entendre, quand sur des jeux rares comme ça, le prix sur Price Charting veut dire un peu « fuck all ». C'est genre le prix moyen de la copie la plus lette à 500$ et de la copie la plus belle. Et ça tient compte des repros aussi, non? Des fois, ça tient les repros. Il y a des repros qui viennent « fucker » le listing de Price Charting quand il y a des... Tu sais, si un Hagané qui se vend à 40$, ben ça vient baisser la moyenne de la valeur. Le Aero Fighters en ce moment est encore en tête à 775. Donc, il y a une petite tout ça, tu sais, c'est très volatile comme information. Ben non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a les deux, tu sais, c'est comme, il est 8,50, il est 7,70, tu sais, des jeux de ce prix-là, c'est dur à évaluer, faut que tu t'entendes avec la personne, puis moi, je me suis entendu, puis c'était bien correct, mon Flintstone, je l'avais pas payé 1000$ non plus, on s'entend. Fait que ce Hagané-là m'est revenu à peu près à 790$. Des vrais dollars. Fait que, c'est... ça n'a pas d'allure, hein? C'est pour ça qu'on flippe des cassettes, je vais me débarrasser d'autres affaires, mais voilà. Alors, c'est tout? Ben écoute, rapidement, tantôt, les gars sont toujours surpris parce que mon tapis de souris, quand on est sur la table ici, c'est mon livre de Capcom 38th Anniversary Character Encyclopedia. Donc, tout le monde pense qu'à toutes les fois, je vais faire une critique de ce livre-là parce que ça a l'air que personne ne savait que ça existait. Donc, je vais pas faire une critique, mais si vous voulez, je peux en parler un petit peu. En fait, c'est un livre qui est sorti il y a à peu près 5 ou 6 ans, si je me souviens bien. Puis, ça fait comme le tour, finalement, de tous les personnages de Capcom. Donc, tous les personnages. En ordre alphabétique, c'est normal. En ordre alphabétique. Là, tu sais, comme tu peux voir à l'écran en ce moment, on a un personnage de Dino Crisis 2. Donc, on va vraiment dans ça le. Ça va creux, hein. T'as les Chicky Chicky Boys. T'as tout le Capcom verse. Pas au complet, mais pas loin. Oh! Oh, c'est mon gars, toi! Ayato! Ben oui, man! Fucking. Wow! Ayato Kanzasi. Donc, c'est un livre assez intéressant, ça donne un petit peu... Pas dans S, s'il y a Saturn. Probablement, mais c'est sûr qu'il y en manque, mais bon, il y a quand même 200-300 personnages là-dedans. Donc, c'est pas inintéressant, j'avais pris ça à l'époque, je suis pas sûr si sais pas si c'est encore disponible. Je peux pas vous dire, j'avais pas prévu faire la critique. Fait que je n'ai pas vraiment regardé. Mais si vous êtes des fans de Capcom, ça vaut la peine. On va voir Firebrand pour remonter le moral à donne. Là. Ah ouais, Firebrand. On dirait un beau Firebrand. C'est sûr qu'il doit être là-dedans. Ça met un peu les mêmes fights que Firebrand. Là. Ah ouais, hein, cette version-là, peut-être. Mais ça, c'est. Firebrand, The Demon's Darkness. Ah, ça, c'est le. C'est le Marvel vs. Capcom 3, ouais. Ben, tout à l'heure, tu parlais justement de s'équiper en grosse grise. Bon, Cody. Parce que. Ah, ouais. Parce que, parlant de s'équiper en grosse grise, ceux qui ont des besoins de grise, cette semaine, c'est une très belle semaine. Parce que les gars de Retro Montréal qui nous ont traîné une bannière, ils sont bien smart. Cette semaine, Retro Montréal fait encore une fois la grande vente sur la rue Ontario avec nos amis de la librairie Z. La librairie Z qui nous ont demandé « Hey, ça vous tente-tu de revenir faire la vente avec nous? » C'était cool et tout, puis ça amène du monde. Donc, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, 4 jours! Oh. On est sur la place, on est sur la rue Ontario, je donne l'adresse exacte, au 3420 Ontario Est. Dehors, chapiteau, des tables, puis on a de la cassette en tabarnak. Ouais, c'est ça, là. Métro Joliette, pour ceux qui viennent en métro, à peu près, tu descends jusqu'à ouais, Ontario. Ouais, Joliette et Fontaine, je te dirais. Entre les deux, genre. Puis au cours des derniers mois, dernières semaines, en tout cas, on a acheté beaucoup de l'eau. On a plus acheté que vendu. Fait que là, on a du stock en tabarnak. Ça rentre plus, man. Calculé rapidement, on a... sans calculer un lot immense de consoles qu'on a dans des boîtes encore. Ouais, qu'on a plus d'or qu'on n'a pas touché encore. Là. On a à peu près 1500 idées en inventaire. Fait que la dernière fois qu'on a fait cette vente-là, on avait approximativement 8-9 bacs à peu près. Là, on en a pas mal proche de 25. Ouais. On a quand même 3 fois plus de ça que la dernière fois. Puis là, on en a en tabernacle. Ouais. Ça sera pas tout sur la table. Il va falloir nous le demander. On va avoir du backstore. On va avoir du roulement en sacramento. Demandez pour la console que vous voulez. Là. Puis on a des beaux bacs, plein de jeux en liquidation aussi. Parce que présentement, c'est le temps de s'équiper en PS2, Xbox, OG. Le Nintendo, comme on dit. Et puis, toutes ces affaires-là, ça, on en a beaucoup, comme tout le monde. Et puis, moi-même, je m'équipe en PS3 présentement. Ben ouais, c'est ça. Puis, je suis beaucoup dans les jeux à disque parce que ben, les cassettes, j'ai tout, pas mal tout ce que je veux, là, sauf les jeux de Super NES qui valent 800$. Fait que c'est plaisant en tant que collectionneur de ramasser, tu sais, ce qui est présentement des générations plus récentes de rétro. Ben oui. Ouais, tout ce qui est Xbox 360, PS3, oui. On a des bacs à tous les jeux. On a des hosties de bons jeux, oui. Moi, je collectionne le Wii, puis man, je vois tout ça. Je dis, tabarnak, le monde dorme au gaz. Venez acheter notre jeu. Le Wii, d'ailleurs, qu'on a surnommé le BB Fuck. Parce que Carl Robert des Power Chasers disait, ouais, je collectionne le BB Fuck. Je chasse le BB Fuck parce que c'est blanc, le BB Fuck. Ouais, Wii, puis la manière qui est placée, ça ressemble quasiment à un fuck. C'est ça. Fait que là, on a dit, le BB Fuck, c'est merveilleux. Wow, fait c'est qu'on a beau, beaucoup ça. De BB Fuck, même, de grande qualité. Ben, du GameCube, on a deux Fire Emblem sur GameCube. On a deux, c'est pas des petits jeux. Écoute, on a plein d'affaires. On est toujours jasables, on est toujours ouvert à faire des trades aussi, tout dépendant de quoi c'est. Qu'est-ce que c'est? Des fois, il y a des gens qui nous arrivent avec des trades, malheureusement, qui sont durs à faire pour nous, mais si vous avez des belles choses qu'on veut avoir, ben c'est sûr que... C'est sûr qu'on va faire des affaires. Mais là aussi, vous n'en parlez jamais, là, parce que vous êtes des pros de la cassette, là. Avez-vous des jeux communs que tout le monde cherche? Écoute, je pense qu'il y a des Mario Kart, Mario All-Star, Mario 3, Donkey Kong Country, Zelda. Les Zelda, on en a... Des Majora's Mask, on est rendu à 4. Hein, je pense qu'on est 5. Hein. On est 4. On a aucun... on n'a pas de Ocarina of Time, mais on a des... C'est ça. Ce qui est drôle aussi, un jeu qu'on n'aimait pas, puis que là maintenant, je pense qu'on a 2 ou 3 copies, Zelda Four Sword Adventures. Ouais. Ah, ben oui, excellent bon. Jeu, on parlait tantôt de jeu coop à 4. Ça, si vous avez une GameCube, puis vous voulez jouer à 4, vous avez souvent, fini. Les gens, ils n'arrivaient pas à jouer à 4, c'est pour ça qu'ils... Ouais, écoute, il faut que tu connaisses les fils. Les fils, on en a quelques-uns encore, je pense, en stock, mais c'est sûr que c'est ça qui est plus chiant à trouver. Sinon, Chris, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. L'inventaire est en ligne. La seule affaire, c'est qu'en ce moment, tout est story parce qu'il faut qu'on est allé porter le stock déjà dans un storage à côté parce qu'on peut pas tout amener ça dans la journée même. Donc, on peut pas faire des commandes en ligne et tout en ce moment. Toute la boutique est en pause. Mais jeudi, il annonce du soleil, il va faire beau. On va être là jeudi et vendredi de 10h à 21h. Ça donne vraiment le temps de passer sur ton break de lunch avant le souper, après le souper. T'as le temps de passer. Samedi et dimanche, 11h à 17h. Donc, vous avez le temps d'aller prendre une bière après s'il vous reste de l'argent. Là, c'est ça, jeudi, vendredi. Ça, jeudi, vendredi, samedi, c'est dimanche. Bon, c'est bien, c'est pas... Donc, c'est cette semaine. C'est pour ça que. Après demain. Non, ouais. Non, mais il y a rien de rendre compte. Colin, je suis pas bien. Tabarnak, vous êtes là. On va bien faire mon tour. Mais certain. Écoute, on a toujours bien du fun. Il y a des vedettes. Il y a le rédacteur en chef de la section jeux vidéo de RDS qui passe. Il y a Chussou, fait que je review. Là, la vedette là, qui est aussi DJ chez Arcade Montréal va être là. Papa Cassette, El Jimouzio! C'est Joe! Tout le cassette burst est là. Après ça, vous avez la librairie à côté aussi, super cool à aller. Moi, à toutes les fois que je vais là, je lance toujours mon cash en BD, je reviens avec une pile, puis là, je te lis tout ça pendant la vente, puis là, j'en jase avec les gars de la librairie à côté, ils sont super cool, vraiment le fun. Moi, je parlais avec des gens qui ont des librairies de BD. Ça me fait toujours comme une image. Genre, j'espère toujours que ça va virer, tu sais, comme dans les Simpsons avec le gars du Comic Book Shop. Mais ça, on se mate, eux autres, c'est plein. Là, ça fait. Ils sont super smart. Ils sont pas blasés. Ils donnent des super, très bons conseils. D'ailleurs, j'ai hâte d'y aller pour me refiler là-dedans. Fait que pendant que vous allez vous filer en grise, moi, je vais me filer en comics. Yes. Ben, prenez, tu sais, bref, ça vaut la peine, je pense, d'en faire un petit tour. C'est un de nos derniers gros événements comme ça pour le moment. Là, on n'aura pas d'autres. On a un en novembre, mais entre les deux. On n'aura pas tout ça, là. Là, c'est là qu'on a, on a tout. On a vraiment. Mais entre les deux, je voudrais faire une vente à l'arcade, par exemple. Avant le web, genre, puis. On pourrait amener tous nos bacs, puis ça serait nous autres, là, les main guys là-dedans avec tout notre stock. Septembre. Que... Septembre. Que ça soit septembre. Ouais, c'est proche. Septembre, début proche. Octobre, c'est pas loin. Ah, c'est, il y a trop d'affaires. Cool. Achève. Bref, que, on se voit là. Venez faire un tour. C'est vraiment cool. Suivez la page Facebook de Retro Montréal. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le gars de Arcade Piquant, là, ben oui. Le gars de Arcade Piquant, il sera pas là. Non, il est pas là. Il parle pas de ce gars-là. Il parle pas à lui. Non, c'est ça. Il parle pas. Sur ce, yes. Parlons public. Hey, parlons avec le public. On a eu là, des questions. Là, si j'en avais d'autres, des questions. Hey, ça, c'est gentil. Merci pour les. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. On va essayer peut-être d'y répondre à la fin. Tout dépendant. On a encore. On est en temps. C'est quoi les temps? 10 heures? Actuellement, c'est 1h30, mais ici, c'est 2h. Fait que là, on est à 1h30. Fait qu'il nous resterait à peu près 20-30 minutes. On est bon, on est bon. D'intéressant. Fait que, on a plein de questions, puis c'est pas mal toutes des questions intéressantes. Fait que je vais faire un changement. On va voir. À moins qu'on jamme sur quelque chose où on va vraiment, vraiment vouloir en mettre beaucoup, on va essayer de les faire comme. Tête. Julien Leroux-Garreau qui demande: quelle série a passé du 2D au 3D qui serait intéressante pour vous qu'elle revienne au 2D? Exemple, GTA, Final Fantasy, Metal Gear. C'est la question-là, elle revient souvent. Elle revient souvent, cette question-là. On veut qu'on y réponde. C'est lui qui a fait 2D. Ben mais écoute, c'est tough à répondre. Que ça fait du 2D au 3D, qu'on aimerait ça que ça revienne au 2D. Ben... Metroid, c'est revenu. Ouais, Metroid, c'est un peu revenu. Ben, Castlevania. Ouais. Moi, sinon... Zelda, s'ils peuvent arrêter de faire des 3D, on va être bien contents. Ah, ça, c'est moi. Ça. Breath of the Wild, c'était... Brise d'écurie? Non, c'était pas bon. Megaman, il est revenu. Ouais, il a pas été longtemps dans 3D. Moi, Megaman, j'aimerais ça qu'il retourne en 3D un peu. J'aimerais ça d'en avoir un jeu en 3D de Megaman. De là. Sinon, écoute... Mais non, quand un Sly Cooper en 2D? Ouais. Pour vrai, ça fitterait. Ben oui, ça serait. Mais Krim, qui a fait de passage 2D ou 3D, ils l'ont pas mal tout fait. Puis ils sont pas mal tous revenus aussi. Rygar. Rygar, il a jumpé en tabarnak. C'est un jeu d'arcade qui a fait un bon jeu NES. Après ça, ça a été God of War. Puis là, c'est fait plus en Twilight. Je l'ai, Krim. Narc, il y avait eu une version Xbox. Le jeu. Non, mais il y a eu le jeu 2D. Puis il y a eu le jeu en 3D après ça qui était. Épouvantable, c'était vraiment la pire merde. Ah, mais c'est pas pareil. J'aimerais ça que ça revienne au 2D. C'était pas la même licence. Là. Oui, c'est exactement la même licence. Sur Xbox, là, oui, quand je l'ai vu, le Narc, là. C'est vraiment ça de la merde. C'est vraiment la suite du jeu d'arcade. C'est vraiment la suite. Il y a même des références. Je pensais pas avoir à me suicider, mais je pense que je vais devoir. C'est vraiment. Écoute, c'est moi, j'aurais dit Sonic avant que Sonic Mania sorte. Ouais, mais moi, Sonic, j'ai toujours de l'espoir pour le 3D parce que c'est même. C'est à cause de toi qu'ils en font encore. Je sais. Je fais partie des quelques fans. Samuel Saint-Jean, il n'a pas tort avec Final Fantasy. Hein. Oui, un classique là, 2D, ouais. Flat, top-down, je sais pas quoi. Là. Ben moi, tu veux, j'espérais que. J'espérais que Dragon Quest revienne 3D, épique, grandiose. Puis là, le 11 sort. Le 4 septembre, fait que j'ai vraiment hâte de jouer à ça. Call of Duty, moi je voudrais que ça revienne. En 2D? Retour aux sources. Contrat, finalement. Ouais, contrat. Contrat, c'est vrai. Contrat of Duty. Contrat, ok, mais c'est le dernier contrat, je pense, qui est en 2D. Fait que ça marche pas. Ça l'a fait, le retour. Legacy of War est en 3D, c'est atroce. Ouais, ben, contrat. En 2D sur la PS2. Contrat 4. Sur DS, il est en 2D. Uprising, ça c'est. Uprising, c'est en 2D aussi. Shattered Soldier, c'est en 2D. Ouais. Non, c'est en 3D. Ben, c'est en 3D, mais 2D. C'est ça. C'est 3D, 2D. Ouais, bref. Ouais, fait que. Prochaine question. Pas évident. Charles Ménard, quel est le pire et ou le meilleur jeu vraiment pour enfants que vous connaissez? Conquer ça... Bad Fur Day. Ouais, meilleur c'est ça. Et pire. C'est quoi ton pire jeu pour enfants? Puis c'est quoi ton meilleur jeu pour enfants? Moi, présentement, j'ai un énorme dilemme avec Fortnite. Mon plus vieux vient de commencer là-dedans. Exact. Moi, mon gars a commencé là-dedans parce que tous les kids dribblent sur les danses de Fortnite. Tout ça. L'autre fois, j'ai même fait un meme sur Rétro Nouveau parce que je trouvais ça drôle. J'étais au patch, je tourne à droite, il y a un kid qui fait une danse de Fortnite, je retourne à droite, il y a un autre kid qui fait une danse de Fortnite, là, je sais comme, aïe, il y en a vraiment partout, c'est un phénomène, je trouve ça fantastique. L'affaire que j'allais dire, c'est que c'est un phénomène qui a commencé, entre autres, avec ces danses-là chez les plus jeunes. Uh-huh. Moi, mon gars, il va avoir 7 ans. Il est très, très ouvert à l'idée des jeux vidéo et tout ça. Puis à cause de ces danses-là, lui, il était excité à l'idée de jouer à Fortnite. Il aime le lore de Fortnite et tout ça. Puis là, je regardais ça et je me suis dit, bon, je vais checker ça, tu sais. Puis dans le fond, ça tire, mais il n'y a pas de sang, rien, tu sais. Il n'y a pas de violence. Puis là, finalement, je commençais à voir ça. Puis là, je commençais à voir les bonhommes, tu sais, qui crèvent. Puis là, ils rampent à terre, puis ils rushent, puis ils finissent par mourir, tu sais. Là, je sais que moi, peut-être pas si kid-friendly que ça. Ouais, mais moi, mon kid m'a parlé cette semaine qu'il avait tué un gars, lui, puis sa gang. Ouais. Tout le monde s'était mis en cercle autour, puis il dansait autour du gars. Ouais. Là, j'étais comme, non, c'est pas un peu comme. Ouais, c'est cruel. C'est cruel. Non, il y a mais, ça, puis tu sais, il y a les tu sais, maintenant, j'avoue que, tu sais, quand on était kid, on n'avait pas cette espèce de vision-là des guns. Parce que, tu sais, quand on était kid. Mais dans le sens que. Mon père, j'avais loué Robocop. Attends. Moi, j'ai écouté Young Guns, puis je voulais avoir un gun de Far West. Attends, ce que j'allais dire, en fait, c'est que la relation qu'on avait avec les guns, avec ce qui se passe dans le monde, était très différente dans les années 80 que maintenant. On voyait pas le fusil de cowboy de la même façon qu'on le voit maintenant dans notre société, tu sais. Le discours est très différent sur les parce armes. Que tu dis que c'est les guns de Fortnite sont un peu très semblables à ce qu'il pourrait y avoir dans la vraie vie dans les shootouts. C'est tous des vrais guns, puis en fait c'est parce qu'après ça les kids, tu sais, ils veulent shooter puis ils trippent ces guns. C'était ça là, non, c'était la culture, c'était la violence, c'était très violent. Peut-être qu'il aurait pas fallu que t'écoutes Robocop. Moi j'écoutais des films trop jeunes là, je le sais là, je suis comme resté perplexe. Ah non, c'est ça. Moi, ça m'a marqué. Moi, c'est fou, j'ai réécouté Robocop dernièrement, j'ai fait comme tabarnak. Moi, la seule scène qui m'avait marqué dans Robocop, c'est quand Robocop tire d'un gosse du gars au travers de la jupe de la fille, j'étais comme, comment il a fait ce shot-là? Puis Chris, ça doit faire mal. Fait que le gars genre, le gars qui fond, le bras qui explose. Moi, quand il crucifie, puis comme tout le monde tire, puis il démolit, ça a coup de balle. C'est 5 dernières minutes. Moi, j'étais... Ça va être Robocop! Ça, j'ai resté, man, marqué. Ah ouais, joué à télémétrie. Tout comme dans Pulp Fiction, quand The Gimp sort. Ouais. The Gimp? Qu'est-ce que c'est ça, ce gars-là en cuir, man? Des scènes d'enculade, j'étais pas prêt pour tout ça. Parenthèse comme ça, quand j'étais plus jeune, moi et mon frère, des fois, mes parents cachaient les VHS des films qu'ils voulaient pas qu'on écoute. Ouais, ouais. Évidemment, quand on se faisait garder, on allait chercher les VHS, il fallait pas qu'on écoute. J'étais tombé sur... comment ça s'appelle? Le Sam Raimi Evil Dead. Ouais. Le premier Evil Dead. J'avais 4 ans. Ouais. Puis j'ai écouté ça. Puis c'est Evil Dead, c'est gore, c'est intense. Mais dans tout le film, la fille qui est possédée est comme dans la porte du sol. Elle est toujours dans la trappe. Elle est tout le temps là. Puis elle est toujours en train de parler. Puis moi, ça m'a tellement rendu nerveux. Je pense que ça m'a burné pour tout ce qui pouvait me traumatiser, me faire peur. J'ai tellement fait de cauchemars après ça. Ben, que par la suite, il n'y avait rien qui montait à ce niveau-là. Ah, fait que, Alex Murphy qui se fait exploser, pour moi, je suis comme, hey, il va y avoir un corps de robot, là. Je plains, toi, pas, buddy. T'es déjà hardcore. Mais c'est ça, tout ça pour dire que là, j'ai eu un petit problème avec Fortnite, puis mon gars, justement, a commencé à imiter des guns, puis dessiner des guns, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, ouais, finalement, je sais, mais moi, quand j'étais kid, je dessinais des monstres, j'étais fasciné par l'horreur. Moi, je jouais au fusil. On avait des fusils en plastique, on faisait une game de fusil. C'était avant les années 80. Ouais, non, mais c'est ça, je te dis. Murder Rate, t'es quand même plus haut que maintenant. Non, mais je te dis ça dans le sens que. L'impression que les bodies tombent. Mais ouais, les mass shooting, il y en avait. Il y en a beaucoup plus maintenant, les mass shooting. C'est ça la part. Les match shooting par des kids, c'est ça la différence. Oui. Puis là, je veux pas faire un rétro nouveau politique, là, mais. Alors, c'est dans le sujet, c'est question du public, c'est le public qui veut ça. Du public. Anyway, on va retourner à l'autre affaire, là. Moi, en fait, le meilleur jeu pour enfants, c'est pas mon meilleur jeu, mais c'est Minecraft. C'est à peu près le seul jeu que ça a jamais viré au vinaigre nulle part. Et les enfants adorent ça, ils ont vraiment, tu sais, ils jouent à ça là pendant des heures, ils trippent vraiment vraiment fort là-dessus. Parce que sinon mon gars c'est pas représentatif pantoute. Ouais. Il aime Super Meat Boy puis les platformers hyper rapides puis techniques, fait que mon plus vieux il joue à FIFA puis à Fortnite puis à NHL, toutes des choses que je despise totalement. Ouais, c'est ça. Puis mon plus jeune il fait du coloriage puis des jeux de princesse à table. C'est parfait ça. Ben écoute, c'est bien correct, ils sont heureux. Fait que j'ai pas d'expérience encore avec les enfants. Non, c'est ça. Mais mon plus jeune m'a regardé jouer à des jeux rétro puis je pense que je vais. Puis j'ai fini Turtles in Time avec lui. Ouais. Et puis de Hyperstone Heist. Ouais. Au Genesis. On le fait ensemble régulièrement. Puis il aime ça. Puis il a joué à Snoopy and the Red Baron à l'Atari 2600. Okay. Puis il aimait vraiment ça. Fait que je suis content. J'ai hâte que mon plus jeune, il y a 5 ans, j'ai hâte que genre il ait 7-8. Ouais. Je pense qu'il va gamer avec moi. Puis il va vraiment vouloir jouer à Mega Man pour de vrai. Ouais. Puis essayer de finir ça. Puis je pense qu'il va être capable. Là, il a pogné un jeu sur sa tablette, j'ai aucune idée ce que c'est, mais il a du platforming, puis comme il est snappy, puis il fait des affaires. Je pense qu'il va être comme moi à ce niveau-là. J'espère. Là. J'aimerais ça, vivre ça avec lui. Ouais. Les jeux rétro avec mon plus jeune. Ben, c'est ça, moi, mon gars, tu sais, son jeu préféré de tous les temps, c'est Pac-Man. Du Pac-Man, puis il est vraiment super bon. Mais mes deux enfants, ils adorent Pac-Man. Je trouve ça, c'est cool. Quand ils me voyaient jouer à Pac-Man, ça les a fascinés. Ah, c'est malade. Puis là, ma fille, elle joue à The Sims 4 sans arrêt, elle adore ça. Fait que, tu sais, c'est quand même le fun. Tes kids grandissent, ils ont comme des goûts différents en termes de gaming. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, justement, il y a des jeux, j'aime ça, jouer avec eux autres. Mais j'avoue que je pense que je suis pas le meilleur joueur pour jouer avec un enfant parce que des fois, malgré moi, je pogne vraiment un nain. Je prends pas ça. Tabarnak! Je le dis pas, je suis comme, Chris, je sens pas si tu veux que ça. T'es vraiment comme, tellement, c'est long. Ok, il y a un trou là. Ok, je vais faire pour toi. Comment? Ok, on le refait. Là, ça fait. Eric aussi qui parle dans le chat, que lui aussi, son plus jeune trip sur le Nintendo, Castlevania, bref. Je pense que ça pogne. Moi, en tant que... J'ai pas d'enfant, mais j'ai un chien. Ouais. Ce que je peux dire, la Wii avec les chiens, c'est pas bon. Non. Ça te laisse la manette, ça marche. Ouais. C'est ça. Bon. C'était mon gag pas drôle que j'avais après. Prochaine question. Jean-Sébastien Drolet qui demande quel est votre jeu de combat préféré? Mortal Kombat, Street Fighter, Fight Night, jeu de lutte ou autre? Street Fighter, Tekken... Tekken Soul Calibur, ça se ressemble en deuxième position. Mais moi, c'est Street Fighter. Bon. Mais Street Fighter Old School. Parce que Street Fighter 5, man, je me fais violer, là. C'est dégueulasse. Parce que je joue avec du monde qui sont ben trop bons, là, tu sais. Ouais, je me pratique pas à ça, mais. Ouais, mais ça. Côté mécanique de fighting, moi, c'est Street Fighter, puis ce style de jeu-là me parle beaucoup. Puis ce que j'aime de Tekken Soul Calibur, c'est que c'est des directions, puis des boutons d'attaque, là, tu sais. Ouais. Ça me plaît. Mais Chris, Mortal Kombat à arcade, le bloc qui est sur un bouton, là, premièrement, ça, c'est faut s'habituer en hostie à ça. J'aime pas ça. Puis à l'arcade, les boutons sont. Il y a 5 boutons, sont disposés 1, 2, 3 au centre, 4, 5, puis au centre, c'est le bloc. Fait que tu sais, comme ta main, elle se promène toujours, là, tu sais, puis comme bloc avec un doigt, ben avec ta paume, c'est quoi ça? Tu trouves ça horrible, je comprends pas comment est-ce que le monde fait ça. J'ai l'impression qu'ils ont recyclé un câble qui était mal fait ou quelque chose. Oui, man. C'est vraiment ridicule. Sinon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu sais, c'est là que ça se passe, là, en tout cas, je comprends pas ça. Mais Street Fighter, là, pour moi. Moi, je suis tellement pas un gros fan de jeux de combat. J'aime beaucoup Smash. Ouais. T'es sérieux, là? Ouais, j'aime bien Smash. Je suis pas un champion level de Smash, mais j'apprécie jouer à Smash parce que je trouve qu'il y a des fans qui posent. Pas ça. C'est ainsi que la relation entre Tati, entre Frédéric et Papa Cassette se termine. Moi, j'ai un top 3. Attends un peu, mais le seul jeu de combat legit que je peux dire que j'ai vraiment beaucoup aimé, les jeux de Injustice, Mortal Kombat 9 et compagnie, ceux-là, Mortal Kombat. Ouais. Récent. C'est Injustice. C'est très solide. C'est joli aussi. Et oui, Bruno, toi, ton côté. J'ai un top 3. En fait, j'y pensais, j'ai un top 3. En troisième position, Darkstalkers Resurrection, que j'ai vraiment aimé. C'est comme un remake HD de Darkstalkers qui est vraiment excellent. Deuxième position, Bloody Roar. Il n'y a pas assez d'amour pour ce jeu-là. J'ai tellement trippé là-dessus. Ouais. C'était edgy, se transformant en bébé. En loup aussi. Ouais. Non, puis j'aimais ça, moi, t'étais dans une cage, pis tout. J'aimais ce système-là, justement, à la virtue. Barrage dans une cage! Barrage dans une cage! Dedans! Tout peut être garou, tu sais, comme un loup-garou, un ours-garou, un chien-garou, même. Garou tout! Ouais. Garou all the things! Parfait! Si, man, ça va être un autre chandail de rétro-nouveau. Hashtag garou tout! Garou tout! Pis mon premier of all time, c'est Marvel vs. Capcom 3 Ultimate. Ça bouge pas mal. Je trouve ça fantastique, là, c'est vraiment bon. Puis le nouveau est tellement décevant. Et dernièrement, je me suis rendu compte que je suis un gros fan de Street Fighter de Movie de Game. Ouais, on a fait ça. On a joué à ça. Il est correct, ça. Il est correct, pareil. Moi, dans mes Hidden Gems, il est comme on l'aime. Je vais toujours parler de Soul Calibur, de Star Gladiator au PlayStation 1 et sa suite, de Plasma Sword au Dreamcast. Personne n'a parlé de Killer Instinct, mais je suis d'accord que la mécanique de Killer Instinct de combo est le fun. C'est vrai. C'est un jeu à combo que moi, j'ai beaucoup joué au Super NES dans le temps, vraiment ça. Et puis Turtles Tournament Fighter au Super NES, qui est peut-être le meilleur clone. Il est peut-être le meilleur clone de Street Fighter 2. Parce qu'il y en a une chier de clones de Street Fighter 2 au Super NES, mais celui-là, il est sa coche parce qu'il est rapide, puis t'as une attaque finale, tu sais, puis il est beau, tu sais, il est fait par Capcom aussi. Konami, que dis-je. Mais il est sa grosse coche, là. C'est un jeu que j'ai toujours aimé d'amour, ça. Le jeu aussi qu'on oublie toujours de mentionner, notamment parce qu'il n'existe pas encore, c'est le jeu de Civil War que je joue toujours. Mon Marvel, l'équivalent de Smash, mais avec tous les personnages de Marvel, puis c'est sous la thématique de Civil War, donc où tous les super-héros se battent. Combat of Champions, c'est ça? Ouais, mais ça, c'est ça, des slides et des tapes sur iPad. Mais c'est ça, dans un sens, c'est ça. Plate, pour mais moi, c'est, ça. C'est pour les enfants. Comme je veux un sacrément. Bref, on passe donc, Jonathan Turcot, qui pose une grosse question, concentrez-vous. Oh, le viol chez les enfants. OK, il dit... Ça, déjà... c'est le QAGF. C'est ça. Plusieurs questions dans le même thème. Quel est le jeu que vous avez honte d'aimer? Quel est le jeu que vous savez que c'est de la merde, mais que vous convainquez que c'est bon? Quel jeu que tout le monde aime et que vous trouvez nul? Mais Je vous dirais de choisir ce que vous voulez. Dans le fond, quel est le jeu que vous avez honte d'aimer? Ouais, je pense que c'est ça. C'est honte d'aimer, vas-tu le dire? C'est là qu'il grunchit. Attends un peu. Moi, j'ai pas honte de dire des ça. J'ai pas vraiment honte. Au contraire. On est dans mes cassettes. Mais attends, là, je... Mais à place, moi, j'aimerais plus... Quel jeu que tout le monde aime que vous trouvez... Non, et quel jeu que vous savez que c'est de la merde, mais que vous vous convainquez que c'est bon? Parce que ça, c'est le cas de le fun. C'est vrai que des fois, il y a un jeu qui est pas tellement bon, mais toi, tu dis non. Moi, c'est je bon. Pense que ça serait peut-être McKids, là. Ouais. Mais pour vrai, c'est pas brisé, tu sais. C'est ouais, ouais. bon, là. Ouais. Mais c'est juste que personne tient compte de ce fucking jeu. Ouais. Moi, je suis comme, McKids! Je suis comme tout seul dans mon monde à triper là-dessus. Ben moi, j'ai Bionic Commando 3D. Oui, hein? Je l'ai adoré. La version ce ouais, au PS3. Là. Je reste là-dessus. Je l'ai vraiment aimé. Je l'ai fini, puis je l'ai recommencé. Puis j'étais un peu, tu sais, justement, vous écouterez Éric Hébert du Geek Collectif. Et puis moi, on se rejoint souvent là-dessus. Il y a des jeux qui... Des fois, les gens sont... cette génération-là. Ouais, cette génération-là. Puis aussi, des fois, les gens sont un petit peu trop cruels avec certains jeux à cause d'un minding qu'ils ont déjà avant de commencer le jeu. Soit parce que c'est un remake ou parce qu'on essaye quelque chose avec quelque chose qu'on connaît. Puis là, on essaye des choses, tu sais. Mais ça, Bionic Commando, vous le commencez sans avoir de jugement. Je vous garantis, sérieux, que c'est le fun. Justement, le grappin là-dedans, c'est fantastique. Là. C'est vraiment le fun. Moi, les jeux que tout le monde aime et que moi, j'aime pas, j'y vais avec les franchises de Nintendo en général. Ouais. Je me sens bien mal de dire ça, là. Mais Smash, j'aime pas ça. Mario Kart, je m'en fous. Smash, je joue pas à ça. Ouais. Mario Odyssey, c'est comme l'affaire qui m'intéresse. Tu sais, puis Zelda, Breath of the Wild, c'est la dernière chose qui m'intéresse pour la Switch. Tu sais, comme Slane, il sort en physique, je suis comme « Je veux jouer à ça! » Tu sais, Dead Cells, man, tout ça, je suis comme excité, ben red. Mais les franchises à Nintendo, ça m'intéresse pas. Ouais, mais moi, j'ai possédé et j'ai acheté aucun jeu de Mario sur NES à l'origine. Ouais. Même si tous mes amis avaient Mario 3, puis on jouait à Mario 3, puis on jouait à Mario 2. Mais j'ai jamais voulu acheter ça, tu sais. Mais j'ai joué, il y a des Zelda, les top-down Zelda, je les adore tous. Tu sais, ça, j'aime beaucoup ça. Mais je sais pas pourquoi, j'aime pas ça. Ouais. Ben, j'aime pas ça. Ça m'intéresse pas. Ça te touche pas. C'est pas des jeux brisés, là. C'est des jeux, man, parfaits, là. Mais ça m'intéresse pas. Ben, comme moi, tu sais, Overwatch, Fortnite, ces jeux-là, tu sais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup essayé parce que je trouvais ça beau. Puis ça me fait rien en dedans. C'est comme si, justement, tu veux... Ma sœur me parlait de ça récemment. Justement, là, tu donnes un bec à quelqu'un, puis tu fais comme... Ah, c'est comme donner un bec à un mur. Pour moi, c'était un peu le même feeling avec un jeu, tu sais, que tu l'essayes. C'est comme... Kish. Je ressens rien en dedans, il se passe absolument rien. Tu sais que c'est pas pour toi. Hein? Hey, c'est une assez bonne question. Moi, mettons que je regarde toutes mes murs puis que je check qu'est-ce qui est pas venu me chercher tant que ça. De ce temps-ci, on dirait que tous les jeux qui sont comme trop gros que tu sais, God of War, je me suis surpris d'embarquer dedans. Ouais. Tu sais, avant, il y a tellement d'autres jeux que j'ai fait comme. Oh, c'est long. Comme je disais, le fameux Uncharted 4 là, qui est tabou quand je mentionne que je suis comme... J'ai pas trippé. Ouais. C'est comme... Je trouvais que c'était trop lent, il y avait trop de cinématiques, trop de moments où est-ce que j'avais pas de challenge, que finalement, je me suis comme ennuyé finalement à écouter un film que... C'est pas le film que j'avais envie d'écouter, tu sais. Je te dirais que ça, c'est peut-être le jeu que tout le monde aime, que moi, j'aime pas tant. Dans les jeux que j'aime et que le peu de gens que j'ai honte, il n'y en a pas vraiment beaucoup parce que j'assume assez bien mes affaires. Mais j'en profite avec Dom ici pour professer mon amour du Nintendo 64. Oh. Ou du moins de ces quelques jeux que j'aime bien. Je trouve qu'il y avait des hosties de bons jeux au 64. J'en regarde sur ma tablette en ce moment. F-Zero X. Chris de bons jeux de course. J'ai jamais aimé F-Zero. Fuck Wipeout. F-Zero, c'est tellement meilleur. Wipeout, c'est... Non. J'ai jamais réussi à aimer un jeu. C'est comme un Mario Kart qui s'assloche. C'est comme... Pas le fun. C'est pas le fun. Je comprends même pas pourquoi cette série-là a perduré. Sérieux, si tu te concentres à Wipeout, Chris, que t'as du fun. Probablement, ça, mon problème. C'est justement le trip du momentum qu'on parlait tout à l'heure. Je pourrais me concentrer ou jouer à F-Zero X et avoir du gros fun. Ouais. Un autre jeu que Chris que j'ai aimé puis que personne parle puis que genre il m'encore aujourd'hui je vais nommer ça puis il y a personne tout le monde va faire comme ah ouais Excite Bike au Nintendo 64. Non, ça c'est vrai qu'il était bon. C'était crissement bon. C'est brun, mais c'est bon, je pense. Ouais, c'est bon. Ça vaut rien, mais Chris, que c'est bon. C'est un late release du Nintendo 64. Ça a été fait par un autre. Ça a été fait aux États-Unis. Chris, il y a un track maker là-dedans qui te permet de faire des tracks en 3D pour le jeu. Que moi, man, ça m'avait fait. Tu sais, c'est sûr, je suis concepteur de jeu. Fait que dans le temps, je voulais devenir ça. Fait que quand j'avais des tools de même, j'étais comme mind fucking blown. Un assez bon jeu qu'on ne parle pas assez souvent. 64, Resident Evil 2, pas mal meilleur en Nintendo 64 pour PlayStation. Pas mal, puis de bien des coches au-dessus. Star Fox 64, un de mes jeux préférés de tous les temps. Ouais, j'ai joué sur 3DS, j'ai beaucoup aimé. Bref, Shadow of the Empire, des jeux mal aimés qui est très... Ah non, mais c'est parce que c'était les premiers aussi. Là. Il n'y avait pas de gars, le making of de ce jeu-là. Exact. Moi, je me rappelle, j'ai joué juste à Shadow of the Empire puis 64, à Mario 64, c'est tout. Mon ami avait juste ces deux-là, puis on a joué. Est-ce que ça les a fait tomber les fucking walkers dans... Ouais, c'est drôle de Star Wars, c'est que, tu sais, c'est comme... C'est le making-of de ce jeu-là, tu sais, les gars, c'est genre « Hey, vous allez faire un jeu pour la Nintendo 64, la Ultra 64, c'est comme mind blown, on capote, s'en va là-dessus, c'est comme... Comment qu'on fait ça, les gens 3D? Il y a personne qui sait, c'est comme, il faut que ça sorte, c'est comme, Moi, je veux parler d'une au niveau des mal. Au sein de notre gang, là, très serré, là, d'amis, là, le pack. Il y en a au moins la moitié qui sont vendus Sega, tu sais, qui trippent Sega, surtout les Européens dans la gang. Puis moi, man, j'ai de la misère, si à tant apprécier le Genesis, puis le Master System, j'ai sorti ça de chez nous, man, il y a fuck all là-dessus. Oh, mon Dreamcast, à tous les jours, j'ai envie de le vendre au complet, puis plus jamais en entendre parler, parce qu'il y a quand même 4 jeux qui m'intéressent. Ça tourne un peu plus à cause des shmups japonais. Ouais. Mais Chris, j'ai beau là essayer, là, mais mon love pour les consoles rétro de Sega, man... Moi, c'est gosse après. Je le travaille, là, puis j'y arrive pas, là, tu sais. Ça va jamais à côté Nintendo, là, dans la vie. Jamais, là, tu sais. Mais moi, c'est gosse après. Super NES, je veux plein d'affaires, mais Genesis, j'ai envie de vendre la moitié de mes jeux direct là, tu sais. J'ai envie de les acheter direct là. Ouais, je vais les acheter, là. Je sais que toi, t'as un trip Genesis, là, mais je regarde tes jeux, là, puis il y en a facilement, là, la moitié, là, que je voudrais même pas avoir sur mes tablettes. C'est plein de merde. Mais c'est ça, mais je comprends, c'est correct là. Non, mais ça c'est beau les jeux de rénovation. Alors, on prend une tablette là, tu me dis la moitié. Non, et vas-y, montre-moi là-dedans, mais qu'est-ce que non, mais prends donc l'autre tablette là avec Miss Pac-Man, Captain America, Hulk, Superman, toutes des hosties dedans. C'est tu peux sortir. C'est sûr que c'est tous les jeux de rénovation, ça c'est une chose. Mais Superman, c'est très bon là, c'est un sens quoi le Sunsoft là, c'est le Batman, le Sun Superman, là, Superman. C'est Sunsoft. Là. Ça, c'est genre la suite de Batman. Ça devait être un jeu NES. Je suis sûr que j'y joue et que je suis pas si... Non, il est pas si bon que ça, mais c'est pas de la merde. C'est pas, ça pour dire que, je sais pas, man. J'arrive pas à embarquer dans le bandwagon des chummies à ce niveau. C'est correct. Les fans de Genesis, on les veut pas cher, ces jeux-là. Ah, c'est ça. Mais je vais vous les vendre cher. C'est ça. Bruno, prochaine question. Martin Lévesque demande, c'est quoi... En fait, il y en a deux. Il dit, c'est quoi votre prochain show spécial? Et Nicolas Lachapelle revient quand? Nicolas Lachapelle est à Balmol tout le temps. Tout l'été. Puis c'est ça, il va revenir le 11 dans le septembre. Chat d'ailleurs, on salue. Il est pas à Balmol. Chris, c'était même pas vrai. Mais non, Nick, il y avait de la Balmol tout l'été, puis on pouvait pas déplacer le show du mardi parce que ça foquait l'horaire de plein de monde. Fait que c'est comme Nick qui a écopé parce que ça Balmol était le mardi, puis comme c'était, pas faire de la Balmol, c'était le moins pire scénario, maintenant. Ah, exactement. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit que cet été, ça va être différent un peu. Ouais. Mais le 11 septembre prochain, on revient avec un show normal. Doritos, Nick, beau studio, commandite de bière, tout le kit. Aucune référence au 11 septembre aussi. Non, mais ben, ça, c'est un dommage. Peu et c'est... puis, on fera un épisode spécial par après. Là. Ben on voulait avoir les gars de Sabotage Studio pour nous parler de Messenger. Mais les... Québec, le t'sais, PAX, il y a tellement de choses. Il n'y a pas de troisième lien, ils ne pouvaient pas venir. Non, mais les gars, ils ont, leur jeu a débloqué aujourd'hui. L'embargo a été levé aujourd'hui. Fait que là, ils vont être dans les com, dans les com, dans les com. Exact. Et puis, Québec, ben, c'est à 2 heures de route. Là, fait que bon. Ben, je pense pas qu'ils vont venir, mais show avec invité, on veut le faire. Ouais, mais là, je pense qu'on. Selon les rumeurs, il y aurait peut-être de la place, tu sais, dans un nouveau studio. Ah, ouais. Que peut-être qu'il y ait des invités plus souvent. On a peut-être. Exact. D'ailleurs, les Patreons. C'est un bon Pierre Curzi, ça. C'est des gens qui aiment les invités dans les festivals. D'ailleurs, Non, hein. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est ça, vieillir, c'est-tu. Non, c'est parce que je suis sous. T'as bien? Non. Je voulais parler du prochain des shows spéciaux. Ah oui, je voulais parler pour les Patreons. Ouais. La game va être upgradée aussi au niveau du pré-show. Ça, si vous écoutez RDS, les nouvelles du sport et le 5 à 7 RDS, tu sais, en tout cas. Il y a un Vectrex qui est rentré dans le studio. Ouais. Ça va être très drôle. Il y a un bar personnel. En tout cas, il y a un bar, man. Ça va être assez épique, pareil. Ça va être sympathique. Fait que c'est ça. Martin Lévesque fait aussi un commentaire. Il dit « Il manque des jokes de pénis aussi depuis un bout. On est désolé. Il me semble qu'en fait, que Dominique est là. Fait que si on regarde, on fait du backtracking. C'est comme Dominique qui tease avec son pénis pour ça. Ouais, exact. Ça va revenir, là. Je vais me concentrer là-dessus. Ouais, concentre-toi. Kevin Dupont dit « Devrait-on pas avoir plus de développeurs qui font comme la gang de sabotage avec The Messenger qui décident de faire un jeu vidéo inspiré d'un vieux jeu qui les a fait triper? Si oui, lesquels? » Premièrement, ce que j'aurais à dire, c'est que ça prend des couilles en hostie. Ouais, t'as galoché de même, puis juste décider de faire un studio et de faire des jeux vidéo. Là. C'est pas comme, je vais faire un jeu vidéo. Tu sais, dans la vie, il y a du monde qui sont entrepreneurs, puis il y a du monde qui check ça aller. Ouais. Puis ceux-là qui check ça aller, ils ont beaucoup de commentaires à dire et de conseils et de critiques à faire aux gens qui font des choses. Tu sais. Fait que, avant toute chose, je dirais aux gens, tu sais, avant de critiquer quoi que ce soit, même si le produit, au final, n'est pas à la hauteur de. Tu sais, il y a des gens qui ont pris leurs testicules, qui les ont mis sur la table, qui ont dit non à des chèques de paye, puis qui se sont grouillés le cul pour essayer de faire quelque chose. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis ça, toutes catégories confondues. Puis pour les gars de sabotage, ça marche. Fait que, bravo. Oui. C'est une critique en tant que entrepreneur. Ben oui. Puis aussi, par le fait même, tu sers Martin Lévesque qui demandait des jokes. Des pénis. Exactement. Bon. Puis, deuxième question pour répondre à la deuxième partie de sa question. Les jeux hommage. Ouais. Il y en a beaucoup. Oui. Hein? Il y en a pas mal parce qu'il me semble en plus que tous les jeux qu'on voit maintenant sont en quelque sorte un hommage. Toutes les fois qu'on fait une critique de quelque chose, on dit, ben, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. C'est un Metroidvania, justement, ça revient souvent. Tu sais, il y a tout le temps une inspiration quelque part. Puis c'est tout le temps c'est souvent des jeunesses, en fait. Ouais, parce que le monde. C'est la génération qui a grandi. Ça, puis c'est le bon livre de notre âge. C'est le monde de notre âge qui font des jeux. C'est ça. Tu sais, plus jeunes que ça, ils ont peut-être pas l'argent, là, tu sais, puis le background, puis tout ça. C'est le monde de notre âge, proche de la quarantaine, 30-40, mettons. J'ai rien fait de ma vie! J'ai ma vie! Faut que je crée quelque chose, hostie! La crise de la quarantaine approche, tu commences à filer mal, t'es en tabarnak, t'es malheureux, puis t'essayes quelque chose, puis je pense que c'est sain en tant qu'humain de faire ces choses-là, tu sais. Ah, puis juste à Arcade Montréal, on l'a fait, puis si on n'avait pas dit go à ça quand l'opportunité s'est pointée, j'aurais vécu mal avec ça, tu sais. Puis là, ça marche super bien. Si ça avait mal marché, ben. J'aurais quand même été satisfait. C'est ça, tu l'as fait. C'est ça que je voulais. C'était pas ça que ça prenait. Puis fuck that. Maintenant, je peux comme juste me reposer puis continuer dans mes affaires. Exact. Fait que c'est ça. Bon. C'est drôle. Christopher Avoine qui parle d'un bébé qui vomit dans les prises de courant. J'ai déjà parlé de ça. Oh oui, c'est vrai. Il y a super longtemps, vrai, quand je parlais quand de mon plus vieux quand il était bébé. Puis que dans la nuit, il y avait comme fucking. J'entendais. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une prise de courant à côté de sa couchette, puis il s'était tourné, puis il avait vomi dans la prise. Sur le mur! Ça avait coulé dans la prise de courant, ça faisait des petites décharges électriques. Je suis comme totalement étonné qu'ils se souviennent de ça. Ça. Bravo, bravo. Dangereux, ce bébé-là. Ouais, vraiment. Encore aujourd'hui. Attends une minute, là. Je veux juste filtrer parce que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires remake. Si, ouais, souvent la question. Ça revient souvent à les gens de savoir qu'est-ce qu'on aimerait comme remake. Écoutez le show, Caliste! C'est ça. Attends une minute. Emmanuel Mailloux dit « La console qui vous attire le moins, une dans le rétro et une dans le nouveau. » Xbox One et Xbox One. Ouais. Ça m'attire pas du tout. Et puis, il y en a le rétro, man. Genre... Dans le rétro, je dirais le Atari Lynx. Ah ouais, rétro de même. Hein? Patente. Moi, je ne sais pas si c'est portable tant que ça, mais une portable couleur boboche que tu peux flipper de tous les bords, gamiki, banal, c'est comme... Je pense qu'elle est quand même underrated, mais moi, elle m'intéresse parce Atari, tu sais. Ouais. Mais, la Jaguar. Ouais, c'est hot d'avoir de la Jaguar. C'est très respectable. Plus que les Xbox, là, puis la 64. Ah, c'est pas si l'histoire va se rappeler de ça comme ça, mais... Non, moi, c'est assez simple. Moi, c'est Xbox One que j'ai eu puis que j'ai vendu parce que ça m'a déçu. Puis sinon, dans le rétro, c'est un Nintendo 64. J'ai essayé d'y revenir, puis ça marche pas pour moi. La 64, la Master System, le Game Gear. Man, couple de fois, je me suis dit... Bonjour Game Gear! Ouais, hein, c'est ça, ça. De base. Calisse, Game Gear, j'ai l'impression qu'il faut que tu le modifies pour que ça soit bon. Ouais. Oh, l'écran. Ouais. Il faudrait que ça soit petit comme l'écran. Ben, moi, je vais travailler là-dessus, je pense, en 2019. Ouais. Mon Game Gear. Ben ouais. Sinon, moi, dans le moderne, j'adore ma Xbox, fait qu'elle est chier. T'as le droit. Ben non, le droit. Ben non, mais sinon, en moi, honnêtement, j'en ai pas vraiment que je joue moins intérêt. Je suis sûr que je joue moins avec ma Switch parce que je suis comme... Esti, man. Parce que moi, j'ai une TV que j'ai le droit d'utiliser. Ah, j'ai le droit. Transport même en commun. Hier puis... soir, je finissais le Messenger. Ma TV était à moi, là, mais je jouais demain. Dans la maison chez nous. C'est tellement satisfaisant. Le portable. Jouer portable, là. Surtout la Switch, t'as pogne, man. Clac. Paf, c'est parti. Ouais. Asti, c'est satisfaisant. Là. Moi, jouer dehors, là, dans ma cour, asti que j'aime ça. Ah. Ah, écoute-moi. Sur l'heure du midi, je vais me pogner un café, je vais au parc, asti, je vais au stage, je passe ma game. Ah, il y a de quoi, là. Ben, moi, c'est ça, le portable, ça me branche pas plus ce qu'il faut. Fait que mais, j'aime bien ma Switch, mais c'est sûr que entre la PS4 et la Xbox One, sur un bateau qui coule, ça serait. Ben non, j'avoue, je crisserais à l'eau les autres consoles pour pouvoir jouer avec la Switch, là, mais. En tout cas, bref. Non, mais quel tu préfères entre PS4 et Xbox One? C'est dur à dire. Maintenant, la Xbox One, à cause de, comme je disais, le petit Edge, moi, le petit Edge, j'aime ça, le technique. Mais c'est sûr que quand j'ai commencé, le PS4 dans cette génération-là, c'était le... Pour les jeux. Pour les jeux, le PS4 avait une meilleure brochette. Maintenant, je trouve qu'il y a des bonnes exclusivités sur PS4. Par contre, sur Xbox One, j'apprécie énormément le Xbox Game Pass. Ouais. Qui me permet de payer 11$ par mois et de ne plus... De pouvoir jouer à plein de jeux. Ben, as-tu vu, là... Doom a été rajouté. Regarde, je vais faire un segue vers une question qui nous a été posée là-dessus. Ouais, après ça, on prendra ceux dans le chat en ce moment. Il va falloir closer aussi. Ouais, moi, il y en a un autre aussi à laquelle je veux répondre. Il y a Philippe Marchand qui dit « Vous pensez quoi de Mario Tennis Aces? » Bruno avait l'air de d'être bien excité par que ça sorte. Je voulais répondre à ça, en fait. Nintendo, on avait des copies de jeux avant de Nintendo. Qui collaborait avec nous. Puis Nintendo, maintenant, fait affaire avec des médias plus grands. Tout ça, Nintendo est un petit développeur. C'est une décision qu'ils ont prise. Fait que de ce fait, on n'a pas eu de copie de jeu. Fait qu'on n'a pas fait, de critiques. Puis souvent, les critiques qu'on fait, c'est des copies de jeu qui nous sont gracieusement envoyées par les développeurs qui veulent qu'on critique leur jeu et d'ailleurs qu'on apprécie énormément. tous les jeux que vous entendez à Rétro Nouveau, c'est les développeurs qui font appel avec nous autres. Fait que ça, c'est... Partez avec un 6 sur 10 au minimum quand vous... mais c'est ça. Fait que tu sais, ben aussi parler du Little Guy, puis parler aussi de certains jeux dont les gens entendent moins parler, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant à Rétro Nouveau. Fait que c'est ça. Fait que c'est la raison pourquoi on n'a pas parlé de ça. Moi, j'en ai entendu parler de Mario Tennis Aces. Et j'ai entendu dire que le single player, c'était pas super. Puis moi, je suis un gars de single player. Fait que comme je suis pas un gars de multi, ben, c'est probablement un jeu que j'achèterai pas. Sinon, il y avait Alex Neveu qui voulait savoir, puis ça, c'est pour toi. Que pensez-vous du Xbox All Access? 22$ pour un Xbox One S, 35$ par mois sur 24 mois pour un Xbox One X avec Xbox Live et Xbox Game Pass inclus. J'ai aucune idée, j'ai pas entendu parler de ça, mais ça a l'air d'être un service dans lequel tu loues une Xbox, c'est quoi? J'ai absolument aucune idée. Regarde-moi pas. Écoutez, moi je pense que... Le pouls sur la nouvelle. Je pense que ça vaut la peine d'investir des frais mensuels sur le Game Pass. Ouais. Par contre, payer 35$ par mois pour une console qui... Je sais pas si c'est loué, là, je sens vraiment... 35, hey, c'est de l'argent. Là. 35 par mois, si tu fais ça fois 12... Games as a service. Si tu fais ça fois 12, tu te ramasses à peu près à 400 quelques piastres, qui est à peu près genre le 3 quarts de ta... peut-être le 2 tiers de ta Xbox One X qui est payé. Fait que, tu sais, je te dirais, ça à Visa, puis genre, rembourse ça, puis garde-le pour toi. Tu as une machine qui va plus valoir la peine. Maintenant, c'est sûr que pour le Game Pass, tu ne le payes pas, mais tu sais, le Game Pass, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est une offre qui se renouvelle. Tu sais, il y a des jeux qui se rajoutent, qui s'en vont. C'est un peu comme Netflix. Tu sais, Netflix, tu ne vas jamais dire « Ah, mais ces films-là, tu ne les possèdes pas. » J'ai dit « Si tu es en calice, tu vas louer des films. » Ben là, c'est la même chose qu'aller louer des jeux. Ouais. Donc, je dirais, si c'est ça le service... le Xbox t'appartient, finalement, que Patrick nous dit « Mais tu payes par mois. » Ben écoute, ça revient à payer finalement comme ta carte de crédit. Là. C'est sûr qu'il faut que tu regardes. Tu sais, quand on prête de l'argent à long terme comme ça, il y a toujours comme des intérêts cachés. Si au final, tu repayes exactement le même prix que tu aurais payé, c'est cool. Sinon, je dirais, prends-toi une carte de crédit et paye le minimum. Oui, c'est ça. Ouais. Exact. Fait que c'est ça. Puis aussi, avant de passer aux questions dans le chat, je voulais juste être sûr de répondre. Nick Lachapelle demande, avez-vous hâte au prochain Angry Birds? Retourne jouer au baseball, Nick. Il est supposé d'en avoir un autre. Puis une petite dernière, parce que la question est très intéressante. Naomi Paul Furlong Martin demande, vous avez probablement déjà répondu dans le passé, mais est-ce que vous finissez vos jeux quand vous en faites la critique? Dans le même ordre d'idée, est-ce que vous croyez que c'est important de finir un jeu pour en faire la critique? Ben, moi, je dis oui et oui, mais c'est pas toujours possible. C'est ça. Dans le temps. Mais moi je suis comme pas à l'aise de faire une critique si je sais que genre il y a quelque chose de big que j'ai pas eu le temps de me rendre à, puis j'ai déjà fait des critiques dans le passé à Rétro Nouveau en ce sens. D'ailleurs, de Messenger, je me suis couché tard hier soir. Ouais. Pour vrai, je restais debout pour détruire tous les sauts qui me manquaient. Puis finalement, le payoff était pas bon, comme je disais, fait que je suis fatigué à cause de ça. Mais je voulais avoir tout fait parce que je pensais que ça allait me donner une meilleure fin au jeu. Et finalement, non. Donc, voilà. Ça mais, dépend vraiment. Tu sais, comme moi, j'ai des fois, je critique des RPG. Tu sais, un RPG, genre, à une centaine d'heures. C'est sûr et certain que je ne terminerai pas pour le review. Non, c'est sûr. Mais tu sais, tu y vas aussi en pourcentage. C'est un jeu qui a une centaine d'heures. Ben, tu sais, t'en fais la moitié ou 40%. Tu sais, Bruno, Final Fantasy, tu peux pas dire que c'est bon ou mauvais avant d'avoir fini le trial de 20 heures. Ouais, non. Mais il y a des jeux comme ça, par exemple, que le jeu débloque vraiment, genre à la 4e ou à la 5e heure. Des fois, c'est vrai que ça arrive, ce qui est épouvantable. Ouais. Mais des fois, ça arrive. Fait que, tu sais, c'est intéressant de le savoir. Moi, dans le temps de Monsieur Ness, je terminais absolument tous les jeux que je faisais. Puis, à un moment donné, ben. Tu te rends compte que la paye, à côté pas le temps exact, que tu mettais dans le temps de jeu. C'était quand même, tu finis Zelda Skyward Sword à 100%, t'as 3 minutes pour le critiquer. C'est ça. Tout le monde parle par-dessus toi. C'est terminé! Ah ouais! Pourquoi ça tu n'es qu'un verre? Calisse, là, tu perds du temps. En tout cas, Mais moi, j'essaie de tout définir, mais des fois, comme Dan dit, t'as juste pas le temps, là, tu sais, tu regardes le genre de jeu, puis coudonc, si t'arrives à le finir, tant mieux, tu sais, puis c'est tout. Mais, tu sais, quand on le finit pas aussi, l'affaire qui arrive, c'est qu'on est capable de donner, tu sais, on est capable de jouer assez longtemps pour pouvoir donner nos impressions at large. C'est sûr. Puis donner, tu sais, donner une bonne note. Je pense que si tu joues 20 minutes à un jeu, là, t'es un plein de marde, tu sais. On a entendu parler, d'ailleurs. Ouais. Et si vous voulez aller voir ça sur le web, il y avait un nouvel éditeur à IGN pour Nintendo, Philip Newson, qui est un ancien YouTuber, qui lui a littéralement copié une critique de DeadSense. Plusieurs. Puis au final, c'est ça, quand ils ont cherché, ils se sont aperçus qu'il a fait ça souvent, tu sais. Puis c'est ça, je me dis, tu sais, si t'es dans ce domaine-là, je veux dire, c'est pas quelque chose que tu fais de toute façon, tu sais, parce que tu sais, je veux pas, c'est ta personnalité, c'est ce que toi, tu penses que les gens veulent savoir. Fait que, tu sais, lui, je pense que c'est littéralement le genre de gars qui devait jouer au jeu une demi-heure juste parce que il voulait des jeux, des codes. Il était comme, des codes! Puis, il recevait des codes, il collectionnait, mais il jouait pas, tu sais. Fait que, mais sinon, oui, on joue, puis on essaie de le finir dans la... Question du public! Dans la mesure une petite dernière, possible. Puis après ça, il va falloir closer. On va faire deux, trois questions du public rapides, si vous voulez, là. Vraiment, vite. Jeff Galland qui demande, je me suis procuré une Nintendo Labo pour ma fille de 5 ans. On aime bien. Vous en pensez quoi? Avez-vous testé? Merci, continuez votre bon travail. En fond, je vais juste lire ce bout-là. Je non. l'ai... Moi, j'ai pas touché à rien de ça. Ouais, moi, j'ai acheté le kit numéro 1 à ma fille. On était déjà allé l'essayer avec Nintendo dans le passé, puis on avait eu bien du fun. Puis là, on l'a reçu, puis sérieusement, c'est vraiment génial. C'est une belle activité parent-enfant pour ce qui est de, justement, tu sais, construire la patente, tout ça, jouer avec aussi, c'est le fun. L'affaire que je trouve plus plate de Nintendo Labo, c'est que souvent... Il y a une partie dans le jeu où à un moment donné, tu te rends compte que ça demanderait pour être cool que tu aies deux kits puis deux Switch. Puis à un moment donné, c'est très clair dans le jeu. Tu sais, genre, hey, si t'avais un autre Switch, ben, tu pourrais faire un combat avec tes trucs. Là, t'as tes kits qui vont te demander ça, tu sais. Mais ça vaut la peine pour le prix aussi parce que ça dure longtemps. Les enfants vont customiser leurs affaires, tout ça. Ça a l'air d'être du carton qui servira à rien, mais finalement, les enfants, vous savez ce que c'est, vous avez des enfants, ils jouent avec ça, puis tu leur donnes une feuille, ils font quelque chose de merveilleux, fait qu'avec ça, ils sont capables de le customiser, puis de jouer avec, puis c'est cool. Rapidement encore, Kevin Doré Poudrier demande, j'ai skippé la mauvaise affaire. Pourquoi ne parlez-vous pas de vos Twitch ou YouTube que vous aimez de temps en temps? Moi, de mon côté, j'écoute pas beaucoup de Twitch, parce que le problème avec Twitch, c'est que je dirais que quand t'es pas live, c'est moins intéressant que de réécouter en différé. Ouais. Souvent, ceux que je pogne, c'est toujours genre Dom, le sac de chips. Moi, Jeff Morancel qui joue à des vieux jeux, tout crush, ça me fait vraiment très rire. Mais au moins, tu peux interagir avec des personnes. Sinon, sur YouTube, j'aime beaucoup GameSack. GameSack, je trouve toujours passionnant. Ça, c'est sûr. Gaming Historian, ça, c'est vrai. Je l'écoute toujours avec ma copine, avec Fanny, qui n'est pas nécessairement une grosse gamer, mais c'est toujours super bon. Passionnant. J'ai fait même une petite capsule sur Acclaim là, de 4 minutes, ça a donné que j'écoutais ça un matin. Là. Ah, c'est tout puis, extraordinaire. C'est, le gars, il fait beaucoup de recherches. Il met beaucoup de temps là, dans... C'est ça. Man, ce gars-là, il est sué à coche. Là. Il t'explique les jeux vidéo. C'est super bon, c'est dynamique. Il y a du gameplay, c'est très bon. Sinon, j'écoute beaucoup le See You podcast de Pat Country. Dans le fond, je l'aime pas, ce podcast-là. Moi, je l'aime bien. Parce que ça fait rien que parler des nouveaux jeux, dans le fond. Ouais. Non, ça m'intéresse pas. Il parle souvent de qu'est-ce qui se passe sur la scène rétro aussi. Moi, je trouve ça intéressant pour en prendre des nouvelles un peu de la scène plus large que juste dans notre coin et tout. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête vite comme ça. Moi, j'ai mon channel YouTube préféré, puis c'est un gros projet des anciens game trailers, c'est Easy Allies. Ah, ouais. Qui est vraiment, vraiment bon avec justement une tonne de monde, en fait, qui faisait partie de cette gang-là auparavant. Il y a Easy Allies, pis souvent, sinon, moi, ce que je fais, en fait, c'est que j'aime beaucoup regarder des tops pis des histoires comme mettons de ce temps-là, je sais pas pourquoi je suis tout le temps dans Castlevania. Fait que j'écoute l'histoire de Castlevania, mais là après ça, j'écoute l'histoire de Castlevania selon un gars, puis après ça, je m'en vais en écouter un autre. Il y a tellement de monde qui en font. Il y en a que c'est tellement bien détaillé, bien fait. Il y a aussi le FU Game Crew que j'aime écouter pour le LOL parce que j'y trouve drôle puis épais. C'est parfait comme ça. Puis ils font des capsules à tous les jours. Ils amènent du contenu pas mal tout le temps. Moi, j'aime ça regarder du YouTube qui est comme créé, puis travaillé, puis tout ça. Les affaires plus live, j'avoue que je suis moins là-dedans. Je regarde moins de monde jouer, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est des épisodes qui expliquent des affaires. Ouais, j'aimais ça quand le Angry Video Game Nerd parlait des jeux. Ouais. J'haïssais quand il faisait du cinéma. Quand les YouTubers se mettent à faire du cinéma, moi, ça m'intéresse fuck all. Ouais. Fait que Gaming Historian, toute cette affaire-là. Quand on m'apprend... Game Sack, c'est bon. Quand on m'apprend quelque chose, moi, ouais, je suis heureux. Moi, je veux pas du divertissement. Moi, je veux de l'apprentissage. Je veux des connaissances, tu sais. Moi, je veux pas avoir un... Moi, ce que j'aime, là, aussi, c'est les... Ça, c'est mon petit côté Game Hunter, mais regardez les vidéos de chasing. Les games chasers, je me suis un peu tanné, moi, de ça. J'en écoute une couple qui va en les vendre à garage. Des fois, il y en a des condescendants qui me tapent ses nerfs, qui considèrent vraiment qu'eux autres, ils ont... Eux autres connaissent ça, le rétro. Je suis comme, tout le monde connaît ça. Ma mère, c'est quoi le rétro? T'sais, des fois, il y a du monde qui sont juste un peu trop condescendants dans le game chasing sur YouTube. En tout cas, là, j'ai trouvé une bonne game. Non, je suis sûr que moi, tu sais, je braque pas tant. J'en trouve des affaires. Je suis pas mal. Je ferai pas des vidéos pour montrer au monde parce que, un, j'ai pas envie de burner mes affaires. Deux, j'ai pas besoin de braguer, mais tu sais, j'aime voir aussi, tu sais, le thrill de le live. T'sais, moi, je veux pas voir la vidéo du gars qui montre ce qu'il a pogné. Dans le fond, je veux pas voir qu'est-ce que Dom faisait tantôt dans leur grille. Exact. Moi, je veux voir Dom trouver leur grille. Non, ça aussi, j'aimerais bien ça, mais je manque de temps. Ah, ouais. Ça aussi, je trouve ça de tournage. Non, honnêtement, je trouve ça intéressant aussi quand c'est des gens qui m'intéressent, puis quand c'est fait avec, tu sais, comme, justement, l'intérêt de la collection, tu sais, et non pas l'intérêt de je te flash. Mais faut que la personne de base elle soit intéressante pour toi. Tu sais, comme moi, mettons, Metal Jesus, tu sais, c'est souvent, genre, les jeux dont ils parlent, des fois, j'ai pas joué ou je jouerai peut-être jamais. Moi, j'ai déconnecté de Metal Jesus pas mal. Mais moi, c'est... Après avoir acheté plusieurs des jeux qui disaient qu'ils étaient vraiment bons, j'étais plate, là. Mais moi, Iron Man. Moi, j'aimais, en fait, sa façon de parler, puis sa façon de tu sais, sa façon de... Super sympathique. Tu sais, il est super sympathique. Ses chums sont le fun. Tu sais, je trouvais que c'était une bonne clique. Tu sais, comme un moment donné, j'en checkais des chasers. Il y a un dos, d'entre autres, là, il parle juste de Switch maintenant. Il y a les cheveux longs. Tu sais, hello guys! Puis il y a des pipes et tout. Puis tu sais, au départ, c'était trois jeunes un peu comme un peu tout croche, tu sais, qui allaient chercher les jeux. Puis tu voyais, ils regardaient dans une bin de madame qui vendait des vieilles lampes. Ça, c'est puis là, ils trippaient. Puis là, un moment donné, ils sont devenus comme YouTubers super big. Puis là, sont de la merde. On va faire une parenthèse ici, parce qu'en plus, j'ai quelqu'un qui a fait des commentaires dans le chat. Il ne faut pas le répéter parce que je ne veux pas identifier personne. Mais en 2018, guys, il ne faut pas... ben, ça n'a pas rapport avec les Power Chasers, on en a déjà jasé et tout, puis ils connaissent ma vision. Mais en 2018, faire des vidéos dans lesquelles vous voulez filmer vos chasings, vos affaires, faites pas ça dans mon coin, s'il vous plaît. Faites pas ça dans mon hood. Allez pas jouer dans mes bandes. Allez pas brûler le spot. On n'est plus comme... C'est plus comme dans le temps où est-ce que, genre, on était un petit groupe de collectionneurs, puis on était comme, ah, wow, check ce qu'il a trouvé dans son coin. Là, il y a des bonnes chances que si Dominique fait une vidéo dans son coin, il y a à peu près 30 autres personnes qui vont aller visiter le même spot le lendemain. Ouais. T'sais. On est rendu dans cette ère-là. Je pense que j'ai brûlé l'équinoxe de tête feu. T'as volé trop près du soleil, l'équinoxe. Ben, c'est ça, il faut vous comprendre que de nos jours, et puis c'est pas tout le temps dans les meilleures intentions, fait qu'il faut pas. J'en vois des fois, je suis comme, dude, tu montres vraiment fuck all dans ton vidéo d'intéressant, pis t'as juste brûlé le spot. Fait que c'est lose-lose, là. Mais tu parlais de prétention tantôt, puis c'est un petit peu quelque chose que... C'est quoi donc ceux-là qui sont populaires dans le chasing, là? Les Game Chasers? Ouais, les Game Chasers. Il me semble que c'était ça, c'est le nôtre même. Il y en a un qui a tout le temps le style de même casquette, qui est calissement dégueulasse, parce qu'elle a des gros cernes de sueur blanc de sel tout le tour. Puis j'ai envie de vomir, puis j'ai envie de le frapper quand je le vois avec sa casquette sale. Jay. Puis l'autre, man, qui est comme devenu méga, comme prétentieux, on dirait, là, tu sais. Puis là, je regarde ces deux gars-là. Puis au début, j'étais comme, je trouvais ça super fun. Au début, j'adorais ça. Puis là, même, ils trouvaient des choses, puis là, ils trouvent plus rien. Exactement. Ils ont brûlé leur spot. Exactement, c'est super plate à ce temps. Puis c'est pas. Le gars, ils ont comme prétentieux, puis c'est pas le fun. Puis ils connaissent comme pas ça tant que ça, tu sais. Et j'ai écouté Nintendo Quest, qui est le genre vidéo là, que le gars, il y avait un mois pour faire le full set NES. Puis j'ai été tellement déçu de voir que le gars connaissait fuck all au NES, là, finalement. Tu sais, comme, moi, c'est mon ami collectionneur. Oui, tu sais, il y a une trentaine de jeux NES chez eux. Tabarnak, man, il connaît rien, tu sais. Ça m'a vraiment déçu, tu sais. J'ai pas aimé ça, là. Mais oui, l'humain en arrière de ça, tout ça, c'est très pittoresque, très beau. Mais c'est ça qui est on, on est tous blessés à l'interne, on a tous des problèmes personnels. Ouais. Puis lui, il a ça, puis il passe à travers Nintendo. Mais tabarnak, qu'est-ce que tu connais tes affaires, tu sais? Ça m'a vraiment fait chier. C'est pas une raison! Ouais, non, moi, j'ai pas aimé ça du tout, ce fucking documentaire-là. J'ai été super déçu, là. J'ai pas vu encore, il est nulle part. Ouais, c'est ça, on m'a refilé le lien. Pourquoi Nick, il pleure? Ben, sûrement parce qu'on disait que son jeu d'Angry Bird. Oui, on s'en sacre. Hey, une dernière petite question, hein, parce qu'on peut la faire vite. David Richard demande, c'est la dernière question. Donc, David, tu gagnes le t-shirt qui n'existe pas. Pensez-vous qu'il y aura une Switch Pro? La réponse est non! Non. Nintendo sont tellement pas reconnus pour. Non. Sans calice, Nintendo. Là. Ouais, sauf qu'ils ont fait tellement d'itérations de la Switch 3DS. Pro, des fois, je me dis, bah, ça va probablement arriver dans un an, genre, pour relancer le produit. Ils vont sûrement faire. Juste un plus gros écran. Une Switch, genre, plus mince. La, avec, la preuve qu'ils ne feront pas, c'est le contre-exemple, qui est la New 3DS. Ça servira à rien. C'est vrai. Okay. Ben, c'est surtout qu'ils s'en ont pour servir. Ouais, mais là, la Switch avant, t'as pas besoin d'améliorer quelque chose qui roule en malade. Ça va arriver. Touche pas à ça. En fait, ouais, non. On va faire ça dans une marche. Tout ça pour dire, non, je pense pas que Nintendo va faire ça. J'y crois pas non plus, pas du tout. Nintendo sont reconnus pour justement pas viser sur le hardware. Ils préfèrent avoir une technologie bien connue, bien packagée. Ouais. Puis genre, miser sur ce Nintendo, c'est l'éléphant. Ils vont travailler fort sur quelque chose très longtemps pendant que tous les autres y courent comme des malades. L'upgrade de la Switch, c'est l'upgrade de la Wii U. Ouais. Ah, c'est ça. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux qu'il upgrade? Hey, d'ailleurs, il y a une rumeur de plus en plus intense et pas si surprenante que le prochain jeu, le prochain port sur Switch, c'est New Super Mario Bros. Wii U. Fait que c'est le New Super Mario Bros. Qu'il y avait eu sur Wii U, qui était excellent. Qui était sorti au lancement. Ouais. C'est compliqué, c'est long. La seule affaire que moi qui me fait vraiment beaucoup douter de cette rumeur-là, ça se peut très bien que ça arrive, mais c'est aussi, c'est un jeu de première génération de Wii U. Ben, il n'y a pas eu tant de générations de Wii U. Ben, écoute, c'est ça pas... A duré un an, c'était quand même le launch title qui essayait de vendre la Wii U, puis il y avait une grosse partie du gameplay qui s'était approché de ton écran. Puis ça, c'est bien cool, là, mais quand tu jouais à 4, puis tout ton écran, t'avais quelque chose qui était sur la TV et tout, puis ton côté, mais sur la Switch... Ah ouais, c'est... Ouais, mais t'étais Switch, pas obligé de faire ça. T'étais obligé dans certains moments, là. T'avais comme les gameplays qui le demandaient. Fait que tu sais, c'est comme une grosse partie du jeu que c'est genre, soit tu joues à l'écran en coop, ou soit tu joues tout seul en solo, puis là, faut que tu tasses, ça marche pas. T'sais, moi, je te dirais... C'est sûr qu'en solo, on était obligé de faire ça, parce qu'à 4, là, il me semble que... À 5, oui... Fallait qu'il y ait une personne sur le gamepad. On ne s'assinera pas là-dessus, mais en même temps, je ne sais pas à 100%, mais je te dirais on s'en sac de jeu. Ouais, c'est ça, c'est pas mal, là. Non, mais ils vont tous finir de party sa Switch, ben, là, ce qui reste la Wii U, là. Sauf The Wonderful 101, là, que je continue de garder pour la pomme, là. Mais tout le reste va suivre. Fait que, t'sais, personne joue à Wii. Il y a Star Fox, là. Chris, il parle de Cyberpunk. On en a parlé en début de show, Chris. Ouais, c'est arrête ça, puis recule le temps. Il faut fermer ça, les gars. Faut fermer ça. Ça fait 2 ans et 20. Ah, c'est ça. On a les familles à nourrir, les travaux à aller remettre au cégep. Ouais. Il reste 21 personnes. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Bruno, je te laisse le dernier mot de Rétro. Ben, mais, hey, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ces éditions un petit peu plus low-res. Ouais, édition d'été. Ouais, édition d'été. Puis, on vous revient le 11 septembre en très grande force. On a reçu le mobilier aujourd'hui. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Écoute, on est tellement énervés, on va probablement tous aller vomir dans les toilettes à GF avant de commencer le show. C'est vraiment excitant, tout ça, ça n'a pas d'allure. Ce serait bête, en tout cas, de faire ça, vu qu'il n'est pas là et qu'il est perdu dans le VR. Ouais, ça, là, vomir dans le VR. Bon, tu sais, ces toilettes, t'es pas dedans. Fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que le studio se monte. Puis aussi, on voulait vous dire, GF a comme... Ah oui. Du VR, trouver une formule incroyable pour tout remanipuler le site web. Puis maintenant, le site web et le Facebook, c'est comme s'ils avaient fait un bébé ensemble. Parce que là, on est capable de sortir des nouvelles du Facebook, puis ça s'en va aussi sur le site. Fait que si ça fait un bout que t'es pas allé sur Facebook, puis tu veux regarder des petites nouvelles, le fun qu'on a mis, ben tu vas sur le site, puis ils sont toutes là aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Ben, le site web de Retro Nouveau a été refait au complet. Et puis, tout ce qu'il y avait avant est encore dessus. Sauf que là, il est plus alimenté parce que quand on met des petites... comment ça s'appelle? Des brackets. On met des brackets. Quand vous allez sur Facebook, vous voyez qu'il y a des brackets entre le titre. Avec un titre, oui. C'est que cet article-là se propulse automatiquement sur le site web, dans le fond. Fait que le site web de Retro Nouveau contient toute la database de tout ce qu'on a fait à venir jusqu'à date et il va être feedé des nouvelles de Facebook, dans le fond. Ouais. Et à chaque fois que l'un de nous est live sur Twitch, GF y compris, ça apparaît automatiquement sur le site de Retro Nouveau. C'est malade. Fait que il y a un plugin Twitch, là, je sais pas quoi. En tout cas, ça, c'est de la magie là, des internets. Bref, flush ton Facebook et fais juste mettre ça sur toutes tes affaires. Ouais. Sur toutes tes formules. Fait que retronouveau.ca, site web sur la grosse coche, c'est vraiment pratique parce que même tous les nouveaux auditeurs, c'est comme retronouveau.ca, tout est là, fais un seul, cherche de quoi, la critique de fucking... de la critique de Sea of Thieves, Kevin en parlait, on a fait la critique il y a... Ben, tu fais un search là-dessus et c'est tout. Oui, exactement. Il y a du monde qui me le demandait, oui, je vais streamer, mais mon setup n'est pas fait encore, fait que c'est ça. That's it! Voilà! C'est ça! C'est juste ça! Fait hey, cette nano-là commence à me rentrer dans le corps. Fantastique. Comme une laine de sapin. Un petit 2% fantastique. Fait que merci à tout le monde! Yes! Et puis on se revoit le 11 septembre! Yeah. Bye! Yeah.